flip it like a flippogram, flip it like a flippogram. Make your bumper flip like a flippogram, flip it like a flippogram, flip it like a flippogram. You're deaf, y'all. Wind up on my body, girl. Why like it's a carnival, girl? Me love the way you wine for me, girl. Your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you a party animal. You wine so good, you just so good. Girl, me love how you party. She take one shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful, and she pure. Girl, I you me a door, so fine up on my body, girl. Assister ce soir, tous les joueurs de l'équipe ont bien mérité leur place dans cet Euro. Malgré cette victoire, l'information qui a marqué la soirée et ce nouveau changement d'horaire pour l'émission de Guillaume Radio 2.0. L'information est tombée comme un couperet. Après le match, nous avons donc demandé à Kevin De Bruyne quels étaient les nouveaux horaires de l'émission. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Tout cet été, les nouveaux horaires de Guillaume Radio 2.0, c'est 21h minuit, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, soyez les bienvenus les gars, on y va, 21h. On se fera Dilo tout à l'heure, là. Angel Mama, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, comme d'habitude. On se retrouve pendant 3 semaines jusqu'au 15 juillet, on fait de la radio ensemble de 21h à minuit, sur Énergie, mes versions été. C'est-à-dire que tous les jours, on s'amuse avec une roulette à changer l'équipe de l'émission. Il y a les stagiaires qui font la radio avec nous, il y a les gens de l'équipe enfin habituelle. Il y aura même certains d'entre vous hein, qui on fera un concours à chaque fois qu'on tombera sur la roulette sur auditeur. On prendra l'un d'entre vous par mail et le lendemain, vous viendrez faire de la radio Radio avec nous. Voilà, on se met en mode été. Les gens du standard ne sont plus au standard. JM du standard n'est pas au standard ce soir. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va? Amina du standard est à côté de moi aussi. Elle n'est pas au standard oui, ce soir. Salut Guillaume, salut tout le monde. Celui qui est au standard, c'est Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors, maintenant, c'est toi qui fais le standard ouais, ce c'est soir. Ça. On s'amuse, on s'amuse à inverser. Et la quatrième place, c'était Julia qui était installée. Salut, salut Guillaume. Ça va Julia? Ça va super. J'ai une voix cassée tous les jours, mais on dirait qu'elle se met des races tous les soirs. Alors que pas du tout. Bon, vous voulez venir délire avec nous? En tout cas, vous êtes à la maison. Le standard est gratuit. Hein, 0870 42 48 pour nous appeler depuis un téléphone fixe. 0870 42 48 ou par texto. Sinon, vous tapez Guillaume au début du message et vous nous le balancez au 6 11 12. On se calera Amir tout à l'heure qui a fait l'Eurovision. On se calera Deoro Bailar. On se calera MHD, Gilo. On se calera Maître Gims. En tout cas, profitez bien de l'été. Bon courage hein, pour ceux qui ont les résultats des examens. Et alors, on aurait dû le faire le dimanche, mais étonnant. Mais vu que maintenant, on n'est plus là le dimanche, ce qu'on fait du lundi au vendredi pendant l'été. C'est aujourd'hui qu'on va faire une heure d'astrologie avec Jean-Yves Espier, notre astrologue. Comment ça va Jean-Yves Espier? Super bien. Qui remonte ça, qui est en train de monter, qui est en train de remonter sa montre. Ouais, hein, je la mets à l'heure. Le mec il fait son bricolage. Ouais, sérieux. Et je suis rentré il y a deux minutes dans le studio, il était en train de refaire son casque de moto. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il faisait avec. Mais t'as raison, tu sais quoi, vas-y fais de la couture, on va, on va te filer un peu de colle et il va faire du coloriage. Oh, ça va bien le... Tu pars en vacances cet été Jean-Yves Espier ouais, ou pas? Ouais, un peu comme tous les étés. Bon, je tiens à préciser qu'on est en direct. Hein, voilà, qu'il est là. Mais il est vraiment là, nous sommes là. Il n'y a pas d'enregistré, même pour l'astrologie. Au coin, on est bien le 4 juillet. Il y a eu 5-2 pour la, 5-2 pour la France ouais, contre l'Islande. Ah ouais, j'ai eu de la chance d'aller au match. C'est le match. On m'a invité. Alors, EDF m'a invité parce que j'avais fait une course voiture, le Trophée Andros, qui est sponsorisé par EDF. J'ai rencontré un patron très sympa. Il m'a dit bah, tiens, je t'envoie deux places. Au hasard, il y a un mois. Et puis, c'est tombé sur un match d'équipe de France. J'ai eu le cul. Ouais, coup de chatte énorme. et le match, en plus, où il y a 7 buts. Ah bah oui. Je veux dire, 4-0 à la mi-temps, putain, on était en feu, le stade il était dingue. Et les Islandais ils sont vraiment très sympas, alors ça je tenais à le dire. Est-ce que ça fait du bien de voir ça dans le sport? C'est-à-dire que quand il y avait un but pour la France, les Islandais applaudissaient. Ah ouais? Et ça, ça m'a impressionné. Ça, c'est sport, ça. Ah ouais, France, putain, et ça change quoi. Putain, j'aimerais bien avoir un public. Attends, c'est quand même ils très. Ils ont fait un beau au revoir aussi. Ils ont fait un beau au revoir avec le. Ouais. Où ils tapent dans les mains, ouais. Le slapping. Là. Le truc de viking. En fait, il y a un tambourin, ça fait. Et là, ils tapent dans la main. Donc en fait, c'est comme viking. Ça qu'ils le savent, ouais. Je sais pas si c'est vraiment un peu de viking, mais. Ah, franchement, ça défend. Ouais. En vrai, quand t'as 10 000 personnes qui font ça, c'est vraiment beau à voir. Et d'ailleurs, vendredi, on est à Angers, très lasé. Là. Je vais animer le Energy Music Tour. On va être 60 000. J'aimerais bien, j'espère qu'on le fera tous ensemble. Ouais. Voilà. le truc, ça va être à très lasé. Donc, ça va être au parc du Vissoir. Ceux qui veulent venir, ça sera donc vendredi soir à 21h. Boulevard André d'Hôtel. Donc, ceux qui veulent venir, bah, les gars, vous êtes les bienvenus. Il y aura Jennifer, il y aura Ritza, il y aura Willy Williams, Souf Bousti, Makassi, il y aura Chris Cab qui sera là aussi. Donc, voilà, ça va être énorme. JM du standard. Bah, non, c'était pour l'Islande en fait. Ah oui. À force, quand t'en prends 4, t'es obligé d'applaudir après. Tu vois, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment vrai. Voilà. Je viens de dire à mon public. Et on a l'exemple type du connard. Attends, mais ça, c'est une phrase de connard. Ouais, c'est vrai, je suis désolé, gars. Attends, mais excusez-moi les Islandais. Non, mais c'est vrai en même temps. Non, bah c'est pas vrai parce que dès le premier, et je les ai trouvés très sympas, et ils chantaient la Marseillaise avec nous. Ah, c'est beau ça. Et non, mais attends, c'était rien à voir. Exactement, Flo Dekido. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que vraiment, moi je trouvais ça vraiment marrant, je trouvais ça vraiment sympa et tout le monde se serrait la main, se tapait dans la main. Ah, c'est bien, comme les Irlandais. C'est quand même mieux que quand ça se tape là, Angleterre-Russie, où franchement, moi le foot ça me dégoûte un peu quand c'est comme ça. Moi j'aime bien le foot où tout le monde se prend bras dessous et ça chante l'hymne de l'autre. Ben. Alors allez chanter l'hymne islandais, les gars, vous êtes fous. Putain, parce que c'était affiché dans le stade, c'est la première fois que je vais au stade de France depuis longtemps et c'est assez, assez impressionnant de voir qu'en fait c'est du gulu gulu gulu, c'est les Suédois quoi. Trop content de vous retrouver. En fait, c'est vrai que tu seras. Salut, félicitations à la France pour cette victoire 5-2. Salut, ma Johanna du 78. Gros bisous à toi. J'ai bien reçu l'autocollant aujourd'hui. Trop contente. Eh ben, je vous embrasse. Vive les paysans du 21. Bonsoir, le 21. Salut, Flavio. Alors, on va prendre tous vos messages à l'antenne. Une heure d'astrologie. Jean-Yves Espier, notre astrologue, comme d'habitude. On va dire les compatibilités, si tu veux bien. Oui, les couples. Moi, j'adore quand des couples. J'aime bien les couples. J'avais tellement sale quand tu dis ça. Il me regarde. Il est célèbre. J'aime bien les couples. J'aime bien les faire venir chez moi. Je les séquestre. Non, j'ai fait voir du GHB. Non. Non mais et, en tout cas, est-ce que voilà, si vous voulez venir poser une question, vous venez de vous mettre en couple, vous étiez en couple ou vous voulez vous mettre en couple, et ben dites-moi votre signe astrologique et le signe astrologique de la personne que vous aimez ou avec qui vous posez des questions. C'est marrant de savoir avec vos ex, hein, de savoir si c'est à cause de ça. Voilà, par exemple, Amina du Standard. Oui. Bon, Amina du Standard, l'avantage c'est qu'elle est sortie avec tous les signes astrologiques. Toutes les semaines, elle sort avec tous les signes. Non, pour comparer. Et se faire un, pour comparer quoi. Mais pas du tout. J'ai goûté un lion, Guillaume. Non, je vais goûter au taureau, Guillaume. N'importe quoi, c'est pour les stats. Il a bon goût, le taureau. Rien Guillaume. À voir. Par contre, je veux pas de vierge. Ah là là. Et alors, donc voilà, si vous voulez en tout cas savoir les compatibilités des signes astrologiques, Guillaume, et vous m'envoyez, moi, par exemple, fille, garçon, machin, vous me mettez une petite phrase et vous l'envoyez au 6-11-12. Il faut juste commencer le texto par Guillaume. Ça, c'est vraiment obligatoire hein, pour qu'il arrive. Guillaume, et votre message, du coup, au 6-11-12. Les meilleurs métiers par signe aussi, si vous hésitez de faire un métier en particulier. Par exemple, j'en sais rien, vous êtes vierge et vous voulez savoir si dans le commerce ça peut aller. Bah, ouais. vous posez la question sans problème. Comment séduire un signe aussi, s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Ah ouais, comment séduire. Alors les compatibilités en amitié, j'ai pas dit, mais ça marche évidemment pareil pour les copines ou les copains, hein, ça marche aussi pour la, voilà, en amitié. Les meilleurs plans cul par signe, voilà. Ah, voilà. Les qualités, les défauts de chaque signe, voilà, si vous voulez savoir les qualités et les défauts de votre maman, de votre papa, vous avez une petite question à poser, bah, vous pouvez le faire. Les sports en fonction de chaque signe aussi, si vous kiffez, voilà, je sais rien, vous êtes taureau et vous hésitez à faire de l'athlétisme, hein, voilà, ou de l'endurance ou quoi, bah, vous pouvez passer la question par rapport à vos signes astrologiques. Alors je tiens à préciser que moi là-bas je n'y crois pas du tout à l'astrologie et que j'en fais pour ceux qui y croient. Et ouais, c'est assez impressionnant de voir que c'est vrai que souvent quand même c'est assez bluffant. Hein, Non, c'est vrai, Minoza, bah, t'en sais rien. Tu vas finir par y croire. Non, mais pour mon cas, oui, je vais finir par y croire, non, mais c'est sûr. Il faut même pas que je fasse l'émission avec certaines personnes. Alors, c'est un peu ce qu'on croit. Ah, ouais. Bonsoir, Guillaume, est-ce que tu pourrais répondre à cette compatibilité, s'il te plaît, avec Jean-Yves Espier, l'astrologue. Est-ce qu'un homme gémeaux, une femme balance, ça va? Homme gémeaux, femme balance. Oui, ça marche pas mal, mais ça risque de pas durer très longtemps pour une raison très simple, c'est qu'ils sont tous les deux avec un grand besoin de liberté. Et puis le gémeaux, s'il est trop jeune, il a tendance à aller galoper un peu sur tout ce qu'il bouge. Un chou, quoi. Ah la vache, ouais. Une quéquette sur pattes souvent. Hein. Merci pour les autocollants, vous êtes super. Bonsoir, mon Manu du 85. Moi, je suis gémeaux et ma femme est scorpion. Est-ce qu'on est compatible ou pas? Alors, si c'est déjà marié, alors, voilà. Homme gémeaux, femme scorpion. Oui, parce qu'elle est très demandeuse à ses attentions, à ses câlins, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle est très possessive. Donc, notre garçon gémeaux, s'il est un peu coureur, faut qu'il fasse gaffe parce qu'elle va se barrer vite sinon. Salut Guillaume, bien joué pour la France 5-2, mais aussi GG à l'Islande pour leur esprit. Exactement, ouais, bien joué. Ouais. Non, mais Guillaume, c'est une pute au foot. Mais hein, non, ouais. On parlait de score de foot, mais j'aimerais pas me retrouver à jouer au foot. J'aime du standard, c'est l'enculé qui te tacle au dernier moment et qui te fait mal et qui se prend un rouge. Non, ça peut arriver. Et là, tu sens que c'est un peu la fouidasse, quoi. Ça peut arriver. J'aurais voulu faire des appels inconnus et sans faire exprès, j'ai appelé un flic une fois. Alors attends, on va t'appeler là. Salut. C'est Dieu qui t'a puni, mon gros. Gémeaux, t'avais dit que c'était bien les doubles signes en général. Excellent les doubles signes. Est-ce qu'un poisson 23 février peut marcher qu'une fille scorpion 1er novembre? Mathieu du 69 alias Struffy, salut Struffy. Ouais, oui, poisson scorpion, c'est une combinaison qui marche bien parce que le poisson, il a quand même le talent de désamorcer l'angoisse du scorpion. C'est un truc, ça nous a toujours bluffé, mais ça marche. C'est quoi les signes les plus stressés, les signes astrologiques? Écoutez bien, si vous y croyez pas. Les plus stressés, c'est la Vierge, le Scorpion et le Verseau. D'accord. Ah, il y a des signes plus stressés que d'autres. Ouais, absolument. Ah d'accord, ouais. Putain, c'est marrant. Et les moins stressés, les plus cool? Oh, c'est les Vénusiens, quoi. Les taureaux, les balances, tu vois. Ouais, les balances, c'est pas stressé, quoi. Non, ils s'en foutent. Ouais. Non, c'est pas ça, mais ça leur rentre dans une oreille, ça passe pas. Julia, qui est en stage chez nous, là, jusqu'à l'été. Ouais. On t'a donné un petit micro ce soir, on fait la radio l'été, là. Salut, la radio Guillaume Radio 2.0, même l'été, quoi. Alors, t'es pas obligé de dire bonjour à chaque fois non plus. Hein. C'est marrant cette petite chemise que t'as mis, petite chemise épaules nues mais bras couverts. Ouais, c'est ça. Ça changement des températures. Ça fait un petit peu, je suis tombé en moto, mais j'avais la chemise. Hein. C'est comme si t'avais un bonnet, mais avec les oreilles qui ressortaient. Mais merci JM. C'est très très beau, Julia qui est en stage. T'es quoi comme signe astrologique, toi, Julia? Alors, je suis Lion. Ah, t'es Lion, ascendant quoi? Tu sais pas ton ascendant? Ascendant non balance. Ah, C'est marrant, t'as un côté balance. Hein. Ouais. Un côté un peu balance. Ouais, t'as un côté plus balance que Lion. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Les filles balance, elles sont assez douces en général. Ouais, ouais, et puis c'est un porte-chance en plus, l'ascendant balance. C'est un truc qui attire la chance, quoi. Parce qu'on projette une image sympa, souriante, agréable, ce qui fait que les autres vous aiment plus vite. Ah, ah, c'est pas con, c'est faux. Ah ouais. C'est un coup de manipulateur. Quoi. Non, non. Au départ, on se laisse tous bluffer, puis après, on découvre le tempérament du. Elles sont chaudes, les. C'est le mec qui. C'est le mec qui m'a la laisse tout de suite. Le mec qui m'a la laisse stagiaire en direct. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. Dès qu'il n'y a aucun respect des gens, et toi. Claudé, Salomé, Moule, le petit Jérémy, il n'y a pas de problème. Hein. Nico, salut. Thomas, Diana et Laure et le meilleur Fifi, bonsoir à vous pour les petites dédicaces. On les lit aussi. Hein. Si vous voulez faire une dédicace, vous êtes entre potes. Vous êtes entre potes comme les enculés de voisins qui ont fait la fête jusqu'à 3h du matin. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des SMS. Ouais, ah ouais, putain, les putes. Hein. Hey, je les déteste, les voisins du dessus. Je vais les tuer. Je vais les voisins du dessous aussi. Je crois. Ah ouais. J'ai les vacances. Ah, je vais mettre deux bombes. Ah non, mais le problème, c'est que c'est les vacances. C'est les mecs, leur grand-mère, elle est malade. Du coup, ils squattent l'appartement. Ah, ouais. En dessous de chez moi, c'est insupportable. Mais excusez-moi, je suis couette mort sujet là. Ouais. Je voulais juste dire, si vous voulez faire une dédicace, si vous êtes entre potes, vous pouvez y aller. Hein. Guillaume et votre message au 611-12. Je suis cancer. Je vais travailler dans la vente. Est-ce que c'est plutôt bien? Léa, 25 ans de la Franche-Comté. Cancer dans la vente. Est-ce que c'est compatible pour les signes astrologiques? C'est pas le meilleur signe pour la vente parce qu'il va falloir qu'elle travaille beaucoup son assurance. Va falloir qu'elle apprenne à baratiner. Va falloir qu'elle apprenne. Amito un peu, quoi. Ouais, un peu. C'est pas un truc naturel chez ces profils-là, mais ça peut se faire. Quels signes sont compatibles avec moi pour une relation amoureuse, justement, Léa, cancer? Cancer, il lui faut une vierge, ça marche bien parce que ça fait deux gentils. Avec le taureau, ça marche super aussi. Avec le scorpion, c'est très bon si elle est un peu maso, mais c'est très bon. Ouais. Et avec le capricorne, c'est pas mal parce que ça peut durer longtemps. Bon, bah, ah, donc si tu veux mettre en couple pour longtemps, c'est capricorne. Ça va être génial ce soir sans le stagiaire. Salut Ibrahim. Ah, oh. Parce que le stagiaire n'est pas là ce soir. Ouais. Parce qu'on fait tourner une roue chaque jour de l'été. Et l'équipe, alors, c'est-à-dire qu'il est dans les couloirs, là, mais il n'a pas le droit de rentrer. Et chaque jour, on va changer l'équipe avec une roulette. Comme ça, on verra bien qui y aura demain, etc. On le fait à la fin de l'émission. Là. Natacha, Gémeaux, tous mes ex ou copains au plan cul sont cancer. Gémeaux, cancer. Ça dure ce que durent les roses. Pas super longtemps. Ouais, c'est pas génial. Ouais, c'est Je sais déjà, il est pas là trop bien. Je suis cancer routier et femme. Ils sont bien contents. Ah, je suis cancer routier, ma femme sagittaire. Voilà, cancer routier, femme sagittaire. Ah ben, il se barre parce qu'elle doit l'engueuler parce que souvent les femmes sagittaires c'est des grosses coléreuses. Bonsoir à toi Guillaume. Est-ce que la boxe pour les Gémeaux, puis ensuite on prend le premier de la soirée, c'est Mathéo dans deux secondes, mais juste la boxe Gémeaux, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, oui, mais Gémeaux c'est fait pour se renouveler, donc peut-être dans un an, deux ans, cinq ans, il fera autre chose. Bon, si vous voulez passer en tout cas par SMS Guillaume et votre message avec votre numéro de téléphone, hein, si vous voulez passer en direct, Mathéo, tu m'entends Mathéo, standard. Ouais. Ah Mathéo. Bah oui, bah c'est qui, papa? Ça va ou quoi, mon con? Enchanté, déjà passé à la radio ou jamais toi? Lors des buts live. Ah, en 1737, okay. Pour amuser les cours de Joseph II, Mozart avait déjà élaboré un jeu de dés. Oh, je me détends avec du Mozart. Ah ouais. Bon, ça va, mon Mathéo? T'appelles du Calvados, hein, c'est ça, Mathéo? Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh ben, vas-y, enchanté en tout cas. Merci, hein, Mathéo. 15 ans. D'Éterville, t'appelles? Ouais, c'est ça, on est dans un tour de Caen. Ouais, exactement. Eh ben, ça représente. Hein. On était à Caen il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Deux semaines et demie, ouais, maintenant. Ouais. Ouais. C'était trop bien. On a fait Caen, on a fait Rennes et on a fait Rouen dans le même week-end et tout. C'était trop. On est même allé au Mémorial, à Ouistreham. Ouais. À Romanche, etc. Après, on a fait les batteries de Longues-sur-Mer. Pour ceux qui connaissent, c'est les gros canons nazis qu'il y a sur les falaises. On allait les visiter. Amina du Standard s'est assis sur le canon. On a fait une photo. Voilà, pour la photo, évidemment. Elle s'est assise sur un canon de 12 mètres. Ouais, elle voulait plus partir. C'était très sympa, c'est très beau. Hein. Mathéo, t'es né le 2 décembre 2000, donc t'es sagittaire, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. À 13h25 à Caen, donc représente les copains du Calvados. Et alors, t'avais une question à poser à Jean Vespier, l'astrologue. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'appelle parce qu'en fait, j'ai un problème. Là, on attaque bientôt les grandes vacances. Et j'ai aucun apprentissage. Enfin, j'arrive pas à faire des patrons et j'arrive pas à trouver. Je suis inscrit dans aucun établissement. Et voilà, quoi, je n'arrive pas à trouver, donc je voulais savoir si à la rentrée j'allais décrocher un truc ou enfin, est-ce que j'allais scolariser quoi à la rentrée. Ouais. Mathéo, tu cherches quoi comme stage? Là actuellement, je me vise plutôt sur le commerce. Non, non, va droit au but. Dans quel domaine tu cherches? Le commerce. Parfait. Le commerce. Oui, ça lui irait bien. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il prenne un peu d'assurance et qu'il soit un peu plus humble. Mais faut que tu te remues surtout, parce que là j'ai pas l'impression. Il va reculer. Ah putain, tu dois plus humble. Ah ouais, c'est... Pourquoi t'es un petit peu, tu te la racontes un petit peu Mathéo en général, non, ou pas? Non, il est assez orgueilleux, donc il a besoin d'occuper d'espace. Tu vois, c'est un sagittaire avec beaucoup de caractère. Faut pas trop qu'on le contrarie, faut pas trop qu'on le taquine, mais ça va passer tout ça. Quand on fait de la vente, faut être l'antithèse de ça, faut arrondir. Ouais, t'es un petit peu comme ça, Mathéo, ou pas? Non, en fait, je suis un peu feignant, mais scolairement, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ça comme fait chier l'école, quoi. Ouais, bah, comme tout le monde, exactement, Flo des cadeaux. T'étais comment, Flo des cadeaux à l'école? T'étais comme aujourd'hui ou pas? Non, j'ai rien dit, j'ai eu ça, Non, je foutais un peu le bordel, mais ça faisait rire les profs, en fait. J'étais plutôt pote avec eux et mes conneries les faisaient rire. Donc, j'étais pas le meilleur élève. Ah, j'étais le plus drôle, quoi. Non, mais mon Guillaume, je distrayais les profs. Non, mais j'en paraissais sympathique. Tu t'es coiffé aujourd'hui, Flo des cadeaux, non? Ah non, parce que c'est bien ce que je dis, ouais. Non mais attends, et de face là mon gars, c'est énorme, elle fait des cadeaux. J'ai une standard. D'habitude tu le vois de dos. Ah ouais, non mais alors là, mais là je te vois de face, c'est beaucoup plus choquant. En pleine lumière. Ouais. En fait, t'es un peu comme un hiéroglyphe de profil, ça passe, mais de face c'est, ça fait mal. Ça va, franchement. Non, attends, parce que Julia qui est en stage chez nous. Moi je suis en face. Elle va faire des cauchemars, la pauvre. Elle va vouloir travailler sur RFM. Elle va plus vouloir se retrouver. Elle va dire putain énergie, ils ont des gueules mon gars. T'as l'impression qu'ils ont tué 1 million de personnes. Bon, en tout cas, alors mon faux cadeau, pas génial à l'école, quoi. Non, pas génial, mais sympathique. C'est marrant, c'est que tous les gens, il y a un dénominateur commun des gens de l'équipe, c'est que c'était pas des têtes à l'école, quoi. Ah, si. Tu l'avais quand même. Attends, Aminette du standard, elle s'était lèche-boule au premier rang. Elle est léchée le tableau, quoi. Avec sa langue, elle est nettoyée le tableau de la classe. Mais non, mais je m'entendais mieux avec les profs qu'avec les gens. Elle avait la langue plus longue que le tableau. Mais pas du tout. Elle en a léché un des tableaux. Avec eux. Il n'y avait plus de traces de créer. Il n'y avait pas de crédit. Ah, elle bouffe tout, Aminata. Ah oui, évidemment. Elle enlève tout le blanc avec sa langue. Sorte d'aspirateur. Voilà. Elle a toute la craie, quoi. Elle en a sucé des crêpes. Oh, c'est non, t'aurais pu. Mais non, mais qui suce des crêpes? Attends, j'en sais. Si, alors moi je connais des gens qui mangeaient des crêpes. Ah bah, c'est compliqué. Et je leur disais que c'était très dangereux pour la santé parce que ça reste quand même de la pierre, de la craie. Et il y en avait qui s'amusaient à manger des crêpes pour faire à la classe. Ils ont plus de dents aujourd'hui. Flo des cadeaux, il ressemble à Flo des cadeaux. Sur les cheveux de Flo des cadeaux. Moi j'en ai sniffé de la craie. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On avait pris de toutes les couleurs et j'avais sniffé toutes les couleurs. Voilà, Rémi, les bonnes idées. Après, j'étais malade comme un ouf. Voilà. Ouais, c'est super. Hein, voilà. On a eu que des bons conseils. On se remémore l'année. Quoi. Ça te va, Mathéo, comme réponse de Jean-Yves Espier, l'astrologue ou pas? Bon, il faut que tu te remues, Mathéo. Tu peux lui dire qu'il aille se faire foutre si t'es pas d'accord. C'est la fin de l'année, on a le droit de tout faire. Ouais, faut que tu te bouges là. Ouais. C'est tout. Remue-toi, tu vas trouver. Parce que je suis pas trop motivé là, j'essaie d'appeler un peu tout. Ouais, c'est tout le problème, tu cherches un stage mais tu te remues pas, donc faut que tu te remues, quoi. Ah, disons qu'il te... C'est un peu Jean-Yves le grand frère. Non mais ouais, bon, en tout cas faut que tu te bouges pour le trouver, gros, mais c'est bien dans le commerce en tout cas, d'accord Mathéo? Ok, très bien. Ok frérot, tu veux faire une dédicace? Dédicace à Ambroise, Dino et à ma famille, ouais. Vas-y, y'a pas de problème, mon pote. Je te repasse Flo des cadeaux au standard, d'accord? Du coup, ce soir, on inverse. Ok, c'est bien. Y'a tout le monde qui a inversé, gros. Et ce soir, on a changé l'équipe pour l'été, là. Tous les jours, y'a une équipe qui change. Allez, bisous, mon pote. Eh, Guillaume et votre message, 612. Tu raccroches pas, Mathéo, hein. Je te repasse Flo des cadeaux, hein. Ok, pas de problème. À bientôt, ciao. Déo, Baila, si même je te dis au revoir et tu me réponds, tu n'as pas trouvé de stage. Non, je t'ai pas entendu. Ciao. Ok. Allez, gros bisous. Déo, Baila sur Énergie. Guillaume, et votre message au 6, 11, 12. Si vous voulez poser des questions sur l'astrologie, les compatibilités des signes, les meilleurs métiers, les meilleurs boulots par rapport aux signes, on le pose en question aussi. Et si vous voulez passer, vous laissez votre numéro, Guillaume, et vous laissez votre numéro au téléphone au 6, 11, 12 sur Énergie. Ok.

c'est l'été. On arrête tous les trucs chiants. L'école, les devoirs, le boulot. Et on garde que le meilleur. Guillaume Radio 2.0, de 21h à minuit sur Énergie. Avant de se faire... On se calera tout à l'heure là. Et c'est énorme. Il y a, franchement, il y a eu un truc. J'ai pas dit tout à l'heure. Alors, dernière fois qu'on parle de foot de la soirée, j'ai dit que j'étais au Stade de France et que j'avais trouvé les Islandais super géniaux. Enfin, vraiment super drôle, super sympa, super, super top quoi. Ils applaudissaient les buts de l'équipe de France et tout ça. Et j'ai oublié de dire un truc que j'ai trouvé absolument hallucinant. Dans la foule, en plein milieu des supporters, habillé avec le maillot islandais, il y avait le président islandais. Ah, c'est fort. Ah ouais. Mais il était en mode, il était au milieu, il tapait des bras, il était habillé, il n'y a pas de garde du corps, il était en plein milieu du truc. Et il faudrait qu'on mette une photo d'ailleurs, parce qu'il est vraiment en mode comme les autres. C'est quoi. Ouais, c'est, voilà, et ça, ça a tourné. Pas président, en plus, hein. Ouais, parce que tu le vois en maillot. Parce qu'il a un maillot, c'est pour ça. Ouais. Et voilà, c'est énorme. Un supporter parmi tant d'autres, voilà, ils disent. Il s'appelle Gunni Johansson. Voilà, c'est énorme quand même. Ouais. Je vais mettre une photo, voilà, ça défonce. Je trouve ça vachement stylé d'être président et d'être au milieu. C'est humble. C'est humble. Après, ils sont 500 000. C'est peut-être pas le même risque en ce moment. Ouais, ouais, je pense que pour François, c'est plus compliqué. Même les présidents anglais, tout ça, avec les hooligans et tout, c'est quand même compliqué d'aller chanter l'hymne en plein milieu. Quoi. Salut Guillaume. Alors, on est en pleine heure d'astrologie. Vous pouvez venir poser vos questions pour Jean MSP, notre astrologue. On s'amuse à faire un peu d'astrologie exceptionnellement un lundi soir pendant une heure. Vous pouvez venir poser vos questions sur les compatibilités des signes, les meilleurs métiers par signe, comment séduire un signe, les compatibilités avec vos ex aussi. Savoir si vous êtes lion et qu'elle était vierge, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Il y en a un qui dit je m'appelle Audrey, je suis capricorne et je viens de me mettre en couple avec un scorpion. Est-ce que votre astrologue pense que ça peut fonctionner? Salut Audrey, ça marche pas mal cette combinaison là. C'est deux bêtes de guerre, deux profils ambitieux, mais il faut parler beaucoup et puis il faut essayer d'arrondir les angles, mais c'est très bon. Ah, ça peut fonctionner. Ouais. Maïna, bonsoir Maïna, elle est balance et il est lion son mec. Elle vient de le rencontrer, c'est deux mois qu'elle est avec. Oh. Est-ce qu'il pense que ça va durer ou c'est un truc qui n'a pas duré longtemps? Balance et lion. Maïna, c'est une méga bonne pioche, faut pas le laisser filer celui-là. Donc plus on arrondit, plus on est sympa. Et puis le lion, il a un point faible. Faut le flatter. Il est vachement sensible à ça. Moi, je souhaiterais connaître les qualités et les défauts des Gémeaux pour voir si ça me correspond. Gros bisous. Stécie du 02. Bon, les Gémeaux. Alors, on va commencer par les qualités. Elles sont tellement nombreuses. Ils pigent vite. Ils sont rigolos. On s'ennuie jamais avec eux. Ils ont 10 idées à la minute. Ça, c'est des qualités formidables. Et c'est marrant parce que j'ai un pote qui est Gémeaux qui écoute l'émission. Et tout à l'heure, t'as dit que c'était des caquettes sur pattes. Et il m'a dit il est fort ton astrologue. Mais c'est pas incompatible. Il baise tout ce qui bouge tout le temps, 24-24. Voilà le point faible. Putain, mais il est chic aujourd'hui. Ah ouais, c'est l'été. Hein. C'est l'été. Hein. On est tous en slip là. Allez, ouais, les Gémeaux et les défauts, t'avais dit, pardon, j'ai pas entendu. Les défauts, c'est qu'il faut pas lui laisser ta copine quoi. Ah, c'est vrai. Ça peut être un peu un salopard. Ah, la vache. C'est vrai. Tout ce qui bouge. Ah, le Gémeaux peut être un peu un connard en fait, parce que. Ouais. Je vais plus te parler, mon pote qui s'appelle Émeric qui écoute l'émission. Ah, salut. J'ai un pote qui est Gémeaux. La prochaine fois que j'ai une meuf, je l'appelle plus. Ah, mais c'est une stade de ouf, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. J'en ai connu des copains 50, mais tous, c'était le concours. Les Gémeaux, c'est ceux qui volent les copines des autres. Mais c'est une caquette sur patte. Ouais. Ah ouais. Y a qui d'autre à qui il faut pas présenter sa copine? Tiens, c'est intéressant, ça, les mecs. Écoutez bien, ça. C'est le pire, les Gémeaux. Ah, c'est vraiment. Ouais, 10 têtes devant les autres. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, vraiment. Ah ouais, d'accord. Putain, mais moi, j'ai que des potes Gémeaux. Quand j'aurai une meuf, je vais faire un harem, je vais l'enfermer, je vais trouver un truc. Je vais sortir tout seul avec elle. Bonsoir à toi Guillaume, moi je suis Verseau, ma meilleure amie est Poisson. Est-ce que au niveau de l'amitié ça peut marcher Nathalie? Ouais, Verseau et Poisson. Oui, ça marche bien parce que c'est deux signes vachement humains, qui ont beaucoup de respect de l'autre et tout, c'est super. Salut Guillaume, 40 ans, transport de la Manche, chauffeur démotiste. Bonsoir à toi, ma femme est Sagittaire et moi je suis Poisson. À tous les routiers de France, femme Sagittaire, homme Poisson là. Alors il y a des mystères dans la vie, celui-là j'ai jamais compris, c'est une combinaison qui marche du feu de Dieu. Ah c'est vrai? Ouais. D'accord, pourquoi t'as jamais compris? Tu veux qu'on t'explique? Parce que, on appelle un astrologue pour qu'il explique. Il y a des mystères comme ça, parce que les deux signes, ils sont en conflit, tout ça. Tu vois, le Sagittaire, il gueule et puis le Poisson, il fuit. Quel est le signe le plus méchant? Qu'est-ce que c'est la méchanceté? Ah bah la méchanceté c'est le pas gentil. Ouais, voilà. C'est le pas gentil. On a un prof de français pour toi. Alors on va dire les plus agressifs. Il y en a trois. C'est Bélier, Scorpion, Capricorne. C'est les trois qui aiment bien pourrir la vie des Bélier, autres. Bélier, Scorpion et Capricorne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Mina Lustandard? C'est mes trois derniers ex. Ah. C'est vrai. Mais Mina Lustandard, t'es toujours sortie avec des mecs un petit peu bizarres. Oui, non mais complètement. Toi t'es quoi déjà? Ouais. Vierge. Vierge, ah ouais. Ouais. Et alors, et donc, les, ça, c'est les signes les plus méchants. Ça, c'est les plus agressifs. Ils aiment bien. Bélier. Ouais, bélier. Putain, mon ex, c'était bélier aussi. Ah, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, mais ils vivent pour pourrir la vie de tout ce qui bouge. Ah, c'est exactement ce que je lui dis. C'est exactement ce que je lui disais. Je suis taureau, mon ex est cancer. Pourquoi ça n'a pas marché, Esther du 56, taureau et cancer. Ah, c'est dommage, fille, c'est une si belle combinaison taureau-cancer. Oh, ben, ça aurait dû durer toute la vie. Oh, c'est vrai, ça aurait dû durer. Ah. Il est horrible quand il dit ça. On en a quel dommage. Non, non, mais sérieux. Parfois, la femme taureau, elle est un peu capricieuse, quoi. On dirait le sketch sur la. Il y avait un jeu avant sur Internet qui s'appelait la valise RTL dans les années 80. Ah oui. Il y avait un sketch comme ça. C'est qui avait fait ce truc? Ils appelaient chez les gens et ils disaient le montant de la valise RTL. Ah voilà. Oh, c'est dommage. Oui. Vous êtes trompé d'un euro. Vous avez perdu 1 million de francs. mon copain John est Verseau. Moi, je suis Sagittaire Marine. Est-ce que ça va durer? Allez, un dernier, puis ensuite on prend au standard. Ouais, c'est excellent. Marine Sagittaire Verseau, c'est parfait. Ouais, Verseau Sagittaire, ça marche bien. Ils sont aussi indépendants l'un que l'autre. C'est un truc qui colle pas mal. Oh, c'est bon. Alors, salut Guillaume. J'étais déjà pas trop bien. Salut, les meilleurs signes pour la politique. Ah, pour faire une politique. Alors, il y a beaucoup de Capricorne parmi les politiques. Beaucoup, c'est énorme. C'est quoi les signes les plus menteurs? Ouais, plus vite. Je suis un rebelle. Je fais des vannes, Guillaume. Le plus menteur, c'est le plus. C'est paradoxalement le plus intelligent. C'est Non, mais pour la politique, au-delà de la vanne, etc. Parce que c'est le SMS. Ouais, je voulais pas le lire en entier, mais après, il m'aurait dit « Guillaume, tu es un illuminati. Tu es un complotiste, Guillaume. Tu censures, Guillaume. » Non, mais c'est un peu tous les signes. Vous savez à quoi on reconnaît qu'un politique, il ment? Non. C'est quand il ouvre la bouche. Ah oui, oula. C'était la dernière émission. Oui. On l'aimait bien, ce genre de vacances. Il a décidé d'aller faire un tour, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est le SMS qui disait voilà, c'est lui qui ouvre aussi les plus compatibles avec les trucs et voilà, les plus montants. Alors, non, les meilleurs signes pour un homme politique en général, pour gérer. Ouais. Si tu veux te présenter comme maire de ta ville. Alors, il y en a un qui. Les plus sympas, c'est quand même les Sagittaires, quoi. Parce qu'ils ont ce côté chaleureux qui plaît bien. Les plus ambitieux sur le long terme, c'est les Capricornes. Après, il y a un peu de tout, quoi. C'est quoi le meilleur businessman? Alors, attends, il y a pas une question de carrière. Ouais, Guillaume, votre message à 612. Et ensuite, on retrouve Alexandre. Tu bouges pas, Alex, excuse-moi. On a fait une stat sur les patrons du CAC 40 qui sont les meilleurs businessmen. Il y avait Bélier, Balance, Scorpion. C'est les trois qui sont partis en tête. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bélier, Balance et Scorpion. Ouais. Salut Guillaume, je suis Lion du 24 juillet pour être en couple. Quel signe les mieux pour un couple? Ben, les meilleurs louloutes pour un Lion. Ouais, pour un Lion, ben, c'est les femmes Balance et les femmes Sagittaire. Ça, c'est plus, méga plus, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est la phrase la plus ringarde que j'ai entendue. plus, méga plus. À ne plus jamais redire Jean-Yves. Ok. Non, attends, mais on rigole avec Jean-Yves. Oui. Parce que Jean-Yves, nous, c'est un ami, on rigole de tout ça. Hein, voilà. C'est comme on rigole de. On peut rigoler très longtemps aussi du pull d'Amina du Standard. Ah qui s'habillait avec un couvre-télé de mamie. Arrête, il est hyper cool. Non, mais c'est hyper drôle parce que c'est vraiment exactement le même truc qu'il y a sur le canapé de ma grand-mère. Et c'est pas du tout une vanne, je te jure que c'est vrai. Ta grand-mère a très bon goût. Et ma grand-mère est surtout très âgée, voilà. Surtout 94 ans. Mais non, mais ça fait un peu festival, hippie, machin. Et tu vois. Oh là là. Bah ouais, putain, mais qu'est-ce qu'elle est énervante. Non, non, mais alors, entre Amina du Standard qui est habillée avec sa tête de lit et Julia qui est en stage chez nous, jusqu'à des. Qui a déchiré sa chemise. T'as l'impression, elle a fait un todo en voiture et elle a remis la même chemise. Ah ouais, complètement. Parce que c'est déchiré, mais qu'au niveau des. Mais c'est pas du tout déchiré, c'est coupé, c'est juste cette. C'est fait exprès. Franchement, tu l'as. Alors, un jour, quelqu'un t'a tiré sur les manches pour t'engueuler avec quelqu'un. Je vais vous expliquer. Julia, qui est en stage ici chez nous jusqu'à l'été, elle a une chemise, mais qui est juste ouverte au niveau, on sait pas pourquoi, juste des épaules et après, il y a les manches. Et, pour l'aération. Non, elle vient d'où cette chemise? Je sais pas, je l'ai achetée, je crois, dans une fripe et c'est pour l'aération. C'est vrai, t'as acheté dans une fripe? Ouais, bah ouais. Tu t'habilles dans les fripes? Ouais, j'adore, moi. Ah, c'est vrai, ouais. Amina aussi, elle s'habille dans les fripes. Très bien, les fripes. Elle est pas au courant, elle. Non, attends, il y a des fripes qui sont très belles. Non, il y a des beaux trucs, Julien, mais tu dois sûrement pas aller dans les bonnes fripes. Je vais te donner les adresses de fripes. C'est ça le problème. Elle est belle, ta chemise. Julien, elle est mimi comme tout. En plus, Julien qui est en stage chez nous. Vraiment, elle est mimi comme tout et c'est vraiment dommage qu'elle mette ces chemises-là. Alors, attends, y a Alexandre, 21 ans du 62. Ça va, mon poteau, tu m'entends? Tu t'appelles de Arc, hein, c'est ça, dans le nord de la France. Salut Guillaume. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Non. Ça va, mon pote? C'est toi qui es traceur du tracé du Tour de France. Tu travailles dans quoi, toi, ton métier? Dans l'informatique, je suis animateur multimédia, en fait. Ça veut dire quoi, animateur? T'animes qui? Les ordi. Non, mais c'est une vraie question. J'anime des cours d'informatique, en fait, je fais des cours aux personnes. Ok, très bien. Cours aux personnes, c'est cours d'informatique, quoi. T'es prof, d'informatique, quoi, en fait. Prof d'informatique. Ah bah, c'est super, eh ben, c'est super, mec. Eh ben, enchanté, en tout cas. Merci d'appeler. Hein. Ouais. Bah, de rien, merci, merci à toi. Merci de me faire l'honneur. Hein. D'ailleurs, j'avais un problème sur ma mise à jour Windows 95. Ah, ouais. C'est ton bien. Tu sais, du standard, il fait jamais ses mises à jour sur son ordi. Est-ce que tu peux lui dire que c'est pas bien, moi, Alexandre? C'est pas de Guillaume. Ah bah, quand même. Non, mais le mec, franchement, il achète un ordi deux ans après, il fait pas une seule mise à jour, son ordi rame comme pas possible. Ah ouais, mais parce qu'après, ceux qui font les mises à jour, ils disent ouais, elle est pourrie la dernière mise à jour. Ah là là. Je suis sûr de pas les faire. Non, mais c'est vraiment, on dirait mon grand-père qui parle. Non, mais le pire, c'est. Et tu sais, j'ai peur de pas être déçu, comme ça, je change rien. Exactement. J'évolue pas. Si, si. MA205, il marche très bien. Je vois pas pourquoi, on dirait vraiment ma grand-mère. C'est à peu près pareil. Je travaille à McDo, je suis verso. Alors on va t'appeler, mon ami. T'inquiète. Et laissez votre numéro si vous voulez passer, les gros. Hein. Comme Alexandre, 21 ans, là, qui nous fait le plaisir, l'honneur. Là, que ah ouais, merci. De nous appeler. Hein. C'est toi qui as inventé le moment où tu dis truc de fou quand quelqu'un te parle et que t'écoutes pas. Tu ah ouais. j'écoute pas, et puis je fais oh là là, truc de fou. C'est, ouais. C'est moi, j'écoute pas ce que me dit le mec. Il passe toujours bien celui-là, ouais. Ah ouais. Merci, j'aime ça. Avec plaisir. Merci de donner ton avis sur l'émission. Hein. Truc de fou, ouais. N'hésite pas. Fou. Ouais. Casse-toi. Alors, nous sommes en mode été, hein. On a changé l'équipe ce soir, vous avez remarqué. Les insultes, on a gardé quelques mauvais. On a mis James Sandra à côté de moi. Ouais, je suis toujours là. Ah putain, tous les jours on change avec une roue. Hein, voilà. On a décidé de nous mettre. Parce qu'en fait, on était trop devant Fun Radio et devant les autres radios. On a décidé de se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes. On a changé l'équipe tous les jours. Ouais, c'était trop facile. Ah putain, non, merci les mecs d'être là en tout cas ce soir et d'être là vraiment hyper nombreux. Tous les 15 jours, on voit vraiment que vous êtes de plus en plus nombreux à arriver. Et vraiment, on fait ce métier au-delà des vannes complètement égocentriques que je viens de faire et que Flo Descadeaux a faites, imaginez. Merci. Non, mais pour le coup, merci à vous d'être là vraiment en masse et tout ça. Et on fait avec passion ce métier. On était à Bastia ce week-end, on est à Angers le week-end prochain, ouais. On va à Toulouse le week-end d'après. Toutes les semaines, on bouge, on essaye de venir vous rencontrer, de faire de la radio ensemble, de faire de la vraie radio en direct à l'ancienne, sans filet. Hein, il n'y a aucun système de décalage de l'antenne directe. Nous sommes vraiment. Il est 21h40 et 25 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, JL du Standard? Je suis plus bon. Regardez, pour vous dire que j'ai mis à la risque, j'ai pris JM du Standard avec moi à l'antenne. Ah bah, c'est comme sauter sans parachute. Là. Merci, c'est... JM du Standard. Ah ouais, là, c'est sûr que je vais m'écraser avec toi. Et donc, on fait de la radio à l'ancienne et merci à vous. Hein, si vous la découvrez, je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. Nous sommes sur Facebook. Alors, si vous n'avez pas encore liké notre page, vous pouvez venir nous retrouver. Hein. C'est Guillaume Play, P-L-E-Y, JM du Standard. On est combien exactement sur la page? On est 1 945 044, Guillaume. Putain, merci beaucoup. Merci. Oh, putain, c'est énorme, les gars. On arrive à 2 millions normalement début du mois de septembre. Ouais, je sais pas ce qu'on va faire pour les 2 millions. Alors, vous êtes nombreux à me demander si on fait l'Olympia. Non, on fera pas l'Olympia, voilà. Ah merde. Non, j'ai décidé moi-même de ne pas faire. Mais moi, j'étais pas au courant, Guillaume, je suis choqué. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Coupé, là. Et comme tu dis, on est sans filet ici. Ah. On va faire nos réunions à l'antenne. Non, en fait, il y en a plein qui nous ont dit, il y en a plein qui le font, etc. Et c'est justement parce qu'il y en a plein qui le font qu'on va pas le faire. Voilà. On va essayer de faire des choses un petit peu différentes et comme on a toujours fait dans cette émission, différent et n'importe comment. Voilà, c'est nos deux. C'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est différent et n'importe comment. C'est un petit peu notre. Voilà. Et on verra ce qu'on va faire. J'ai pas encore l'idée, mais je suis en train de la réfléchir. Voilà, je préfère faire une idée en premier et que, comme d'habitude, deux semaines après, vous le retrouvez sur les autres radios que le contraire. Voilà, moi, c'est faire de la radio pour faire pareil que les autres, ça ne m'intéresse pas. Faire de la radio pour la faire en enregistré, ça ne m'intéresse pas non plus. Et par contre, voilà, ce qui m'excite, c'est qu'on fait un nouveau truc et qu'on sait qu'on va un petit peu se casser la gueule en direct. Mais enfin, c'est un petit peu ça qui est excitant. Sinon, j'aurais pas pris Amina du Standard aussi. Merci, c'est agréable. J'aurais pris une standardiste professionnelle. J'ai quand même recruté une fille qui ne sait pas compter pour le standard. Oui, bah, on peut pas tout avoir. Donc au niveau des chiffres, c'est compté jusqu'à 3. Après, je lui fais signe avec les mots, j'ai de lui dessiner un petit peu en hiéroglyphe. Et je lui parle en hiéroglyphe. Hein. Mina voilà. Standard est égyptienne, elle parle encore en hiéroglyphe, mais. Ouais, exactement. Pas du tout mise à jour. Quoi. Elle n'a pas fait ses mises à jour depuis 1000 ans. Alexandre, alors toi, t'es cancer, hein, mon gars, t'es né le 20 juillet 95. Bah super, on est content, hein, à 2h du matin à Saint-Omer dans le 6-2, on est encore plus content. Non, je rigole, mais la vraie question importante, mon gars, c'est que tu sors avec une meuf, hein, c'est ça, t'as une nana? Ça. Tu sors avec une ma copine, en fait. C'est ouais, c'est bien, c'est bien. Et en fait, elle est du signe astro taureau. Et moi, je suis cancer, donc j'aurais voulu savoir si ça aurait encore duré très très longtemps, parce que je suis très bien avec. Ah, t'es très amoureux. Elle est jolie ou pas? Elle est très jolie. Ah, elle est à côté de toi, ça. Non, mais attends, elle est docile ou pas? Non. Non, mais elle est chiante ou elle est pas chiante? Non, ça va. Il y a plus chiant qu'elle. Y a non, moi, mais quand tu vas en soirée, genre si tu vas en soirée, etc., elle est pas prise de tête. Elle est protectrice, bien sûr. Alors attends, j'arrive à espier là, le mot sur le bout de la langue. Ouais. Bonsoir Alexandre. Alors, ça marche super bien, cancer taureau. Le seul truc, c'est que le taureau, il est beaucoup plus dominant que le cancer. Donc, tu risques de te faire croquer vite fait. Mais comme t'es amoureux et que tu demandes que ça, la vie est belle, ça peut durer méga longtemps. Voilà, je suis très positif pour cette histoire. Mais faut pas trop la contrarier, surtout. Alors, il y a des moments, le taureau, elle a des côtés un peu capricieux, un peu autoritaire, un peu jalouse, tout ça. Mais tu l'aimes, quoi. Donc, tu dis oui. Ouais, oui, ma chérie. Ouais, c'est t'es in love. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 10 mois. Ah ouais, 10 mois, c'est bien, ouais. Ah ouais, là, t'es en plein dans le love. Ouais. C'est le premier amour vraiment fort ou quoi? Oui, franchement, je ressens vraiment de grands sentiments avec. J'ai plein de projets déjà, plein la tête avec. Donc, c'est super. Bah, bravo, mon gars. Ça peut vraiment durer très, très, très longtemps. Ouais, très, très, très longtemps. Ouais. C'est vraiment, il a mis tellement de traits que ça a l'air vrai. Attends, comment tu l'as rencontré, cette moncesse-là? En fait, y avait des amis qui connaissaient ses amis à elle. Et en fait. Ouais, par des potes, quoi. Par des potes. Hein, je vais raccourcir l'histoire. On s'endort. C'est super, en tout cas, mon gars. Comment elle s'appelle, Alexandre, ta petite nana, est amoureuse? Louise. Ah, c'est joli comme prénom. Ouais, c'est bon. Ouais, mais genre, c'est quoi les projets? Quand tu dis j'ai des petits projets et tout, genre, vous voulez habiter ensemble, tu veux lui faire un enveu? Voilà, c'est ça, habiter ensemble. Ben, on est déjà parti il y a une semaine en vacances. Veut dire tous des petits projets comme ça qu'on fait ensemble. Bah, c'est vachement bien. Bah, t'as raison, mon gars. Et t'es parti où en vacances? En Maine-et-Loire. Ah, trop cool. T'es parti dans quelle ville? À Montreuil-Bellay. Si, Montreuil-Bellay, bien sûr. Ah oui, c'est dans le 49. Bah si, bien sûr. C'est Rungé, oui, le 49. Bah, exactement. Vers Trélazé, tout ça, on va vendredi, ouais. Ah, t'es allé en camping? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on a pris un gîte, en fait. C'est cool. C'est stylé, le gîte. Ah, le mot gîte, il est stylé. C'est trop cool. Moi, j'adore le camping. Tu fais jamais de camping, toi, mon Alexandre? Bah, je suis un peu moins camping, je suis plus nidoyer, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est bien, hein, mon gars, t'as raison. Chambre d'hôte. Jean-Yves Espier, t'es un petit peu camping ou pas, notre astrologue? Non, moi, je suis un peu comme sa copine taureau, j'aime bien le confort. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, mais un petit camping de temps en temps. Oui. Moi, j'adore le camping, hein, putain. Et un bon matelas pneumatique, là, que tu gonfles avec la bouche. À l'ancienne. Ah ouais, putain, attends. Et t'arrives, tu montes ta tente et tout. Des sardines. C'est mon petit côté scout, quoi. c'est vrai, Flo Descalos, t'es un petit peu camping ou pas trop? Camping, ouais, j'aimais bien à une époque, j'en faisais beaucoup, là, j'en faisais un peu moins, mais ouais, ça m'a toujours bien plus. Ah non, mais franchement, c'est rigolo, quoi. Après, t'as plusieurs types de camping, hein, Jean-Yves Espier. Tu dis j'aime le confort, mais t'as des mobil-homes aujourd'hui. Ah ouais, bungalows. T'as des caravanes de gens du voyage qui sont parfois beaucoup plus luxueuses que dans les hôtels dans lesquels on dort quand on va dormir avec l'équipe. Hein. Ouais. Sûrement. Ah, il y a des lits maintenant dans les nouveaux mobil-homes. Tu sais, maintenant, il y a des mobil-homes, on dirait des petites maisonnettes. Ouais, carrément. Parce que moi, dans les années 90, avec mes parents, on partait en voyage avec un mobil-home, mon gars. C'était, tu sais, comme les caravanes un peu orange, là. Ouais, Ah ouais, putain. Même les camping-cars. Et les lits, mon gars, t'as l'impression d'être en cellule et tout. C'est vrai, attends, les premiers mobil-homes à l'époque, c'était limite un petit tonfa, quoi, pour dormir. Comment ça s'appelle, les matelas japonais, là? Les futons. Les futons. Ouais, ah, tonfa, ouais. C'est les coups de madras. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas là pour dormir. Salut Guillaume, bonsoir à tous les BTS TCL1 de la part de Bob. Salut Raphaël. Salut, ouais. De la part de Bob Raphaël. Bonsoir Bob Raphaël. Bonsoir à vous. Alors Guillaume et vos messages, hein, au 6-11-12, si vous voulez poser des questions pour l'astrologie ce soir, nous sommes en direct. Il est 21h46. Il n'y a pas de foot ce soir, j'ai un stagiaire. J'aime du standard. Non, parce qu'il y a le foot, c'est juste il n'est pas là ce soir. On a mis à la place à son micro Amina du standard. Ouais, voilà. Et son bout de tissu, genre ça. Je vais l'enlever. On a mis Julia qui est en stage chez nous en plus au micro aussi. Mais alors ce soir, vous êtes mis tous d'accord pour mettre un style différent. Guillaume, moi je suis pas d'accord. Enfin, le démon est parti, je vais stagiaire. Ça pouvait définitivement. C'est marrant, il y a les anti, je veux dire. Salut aux ex-terminales Elec de Gourdan à Spwitch. Salut à tous. Salut à toi. On croise les doigts pour vous, les gros. Là. Bon, on prend vos appels un petit peu comme Alexandre, hein, Guillaume, et votre message là au 6-11-12. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique en général, toi, Alexandre, du 6-2? Il y a des musiques que t'aimes, il y a des trucs qui te font kiffer? L'électro, la dance, tout ça. Enfin, moi j'aime bien. La dance? Ouais. Ah ouais, mais genre quoi? Genre Gunther et tout, genre les trucs un peu des années 90, t'aimes bien ou? Bah, il y a ça aussi, ouais. Il y a de la Deep House aussi. Non, mais t'écoutes ça et tout, toi, pour de vrai, non? C'est? Non, pas ça. Non, je sais pas, la dance. Mais j'écoute par exemple, je sais pas, ça peut aller de Skrillex à Martin Garrix, franchement, tout. Ah oui, Skrillex, c'est bien. Ah oui, d'accord. Non, je ne comprenais pas. Non, non, d'accord, ok. Ah oui, du Skrillex, d'accord. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Le mec, il connaît pas l'électro, à l'ancienne, quoi. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je suis pas une bombardie. Tu es la top image, je te le dis sans pas. Attends, je passe pas d'extrait, là. Bordel, quand on rentre par la piste. On est venu teaser, cracher du pif. Je voulais que tu portes mon nom, qu'on sait ma note façon. C'était ce qu'on s'était promis. À la mort, à la vie, je voulais que tu. J'imagine toutes les filles qui écoutent ce soir l'émission danser comme Amina du Standard et c'est des hommes. Putain, c'est quoi, je passe ça, mais alors. Ça, ça faut avoir envie de danser, hein, mon gars. Bon, et vas-y, et tout le bonheur du monde, mon gros, avec Louise, hein, du coup. Merci. Écoute, merci. J'espère que ça va. Une toute petite question avant. Vas-y. Toute petite question. En fait, comme je t'ai dit, je suis dans l'informatique et c'est un contrat un peu spécial qui dure 3 ans. Ouais. Et derrière, j'espère avoir un CDI. Donc, je sais pas si tu. Si l'astrologue peut me donner quelques conseils ou quelques indications là-dessus. Ouais, alors Jean-Yves Espy, l'astrologue. Bon, sur les cancers, c'est bon, il n'y a pas de contrariété particulière, il faut que tu y ailles, il faut que tu bosses et que tu fasses. Bah, exactement comme t'es, là. Gentil, bouges, positif, voilà. Bosseur, entreprenant, plein de bonnes idées, plein tu de gentillesse. Tu bouges la nuque et tu souris, quoi. Voilà. c'est bien. Non. A priori, j'ai plutôt un bon feeling, voilà. Ok, ça va, Alex? Ok. Merci. Je t'embrasse, mon pote, avec plaisir. Moi, j'ai rien à dire, mais je te repasse Flo des cadeaux, ouais. Thomas, ok. Merci. Allez, bisous, poteau. Ciao. Bonne nuit. Hein. Merci d'appeler, les gars. 21h49, Guillaume et vos textos là, avec votre numéro si vous voulez que je vous appelle. Sinon, juste les compatibilités, un signe avec le signe de votre copain, de votre copine, Guillaume et votre message au 612. On se fait MHD, maman, j'ai mal sur Énergie. J'ai pas changé d'équipe. Le début de cette histoire, c'est maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. Ah, plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. Confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec, pour maman je suis Richard. Un œil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger Disney, je vais faire danser mes proches. Toujours le même, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai brillé, alors j'attends mon tour. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal. Même l'été, ça continue. Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez, 21h minuit sur Énergie, on est en pleine heure de l'astrologie. Vous pouvez venir poser vos questions, les copains. Guillaume et votre message au 611-12. Nous sommes en direct avec Jean-Yves Espier, l'astrologue, hein, qui a mis sa plus belle chemise ce soir pour messieurs, dames, pour venir faire de la radio et venir délire avec nous. Vous pouvez poser vos questions sur la compatibilité des signes. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que vous êtes sorti avec quelqu'un? Ça a foiré? Est-ce que vous voulez sortir avec quelqu'un? Savoir si oui ou non c'est compatible. On en parle juste après, on prend vos appels à l'antenne. Vous êtes auditeur d'Énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. David Guetta! Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit. Et vous gagnez un événement dont vous vous souviendrez toute votre vie. La finale de l'Euro 2016. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Énergie. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire, Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Énergie, it's music only, avec Jennifer en concert. Mon ami, mon amour, c'est Jennifer sur Énergie. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, énergie.fr, livenation.fr et points de vente habituels. Jennifer en concert, un événement Énergie. Dial au 62070, vos plus belles rencontres par SMS. Envoyez par SMS Dial au 62070 et découvrez que tout cela est possible. Envoyez Dial, D-I-A-L, au 62070. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Ninja Turtles 2, les 4 frères les plus cool reviennent au cinéma. Leonardo. On s'équipe les gars. Donatello. C'est parti. Michelangelo. J'ai un look de tombeur. Et Raphaël. Il ferait quoi Vin Diesel? Sans peur. Il y a regret. Ninja Turtles 2. En ce moment au cinéma, vivez le Turtle Power en 3D. Avec Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Ritza, Willy Williams, Souf, Boussy, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. 21h minuit, même l'été, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et en plus, toute l'équipe change chaque jour sur Énergie. Le soir, on s'amuse à prendre certains d'entre vous pour faire de la radio, à prendre nos stagiaires. C'est Guillaume Radio 2.0, même l'été. Et si vous voulez venir d'ailleurs faire de la radio avec nous, pouvez-moi. Je vous dirai tout à l'heure, on fera tourner la roue. Et si la roue s'arrête sur un auditeur, puisqu'on change à chaque fois en faisant tourner une roue, ça décide des gens qui seront dans l'équipe. Il peut y avoir un auditeur, deux auditeurs, trois auditeurs, trois d'entre vous, quatre d'entre vous, cinq d'entre vous, six d'entre vous. Ouais. Je pourrais faire éliminer six d'entre vous d'ailleurs. Là, c'est tombé sur JM du Standard, ouais, Amina là. Du Standard, oui. Flo des cadeaux, ouais. Et Julia qui est en stage chez nous. Ouais. On a mis son nom dans la roulette et on a fait tourner la roulette vendredi. On va la refaire tourner ce soir. Et chaque émission, ça change. Ça permet un petit peu à tout le monde de faire de la radio. C'est l'été, on s'amuse ensemble. En tout cas, bon courage. Je sais qu'il y en a qui sont en route vers les campings du Sud et qui sont déjà en vacances. Et ben, profitez bien. Bon courage à ceux qui ont les examens, les mecs qui arrivent. On va prendre au Standard. Vous êtes nombreux à nous appeler. On va retrouver Johnny dans 30 secondes. Et Gaëlle, bonsoir Gaëlle. Gaëlle au féminin? Oui, c'est ça. Ça va, Gaëlle? Ouais, je sais pas si t'es pas écrit. Salut, Gaëlle. 18 ans de Vigneulles-les-Attonchâtel. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dans le 55? Ouais, c'est ça. Et bah, représente alors. Le 55, c'est le? La Meuse. La Meuse. La Meuse, ouais. Bar-le-Duc, ouais. Tout ça. Ouais. Exactement. Ouais, voilà. Ouais, merci, JM du Standard. Avec plaisir, Gaëlle. Il remplace bien Julien, du coup. Ah, j'essaye. Voilà. Ouais. Parce que d'habitude, c'est Julien Stégère qui me dit les départements. Ouais. Julien Stégère, on verra s'il retombe demain, du coup, sur la roue. On va voir s'il y a toujours JM du Standard. Attention, ouais. Ça peut tomber aussi sur quelqu'un d'autre. Je peux aussi faire l'émission tout seul. Hein. C'est-à-dire que je me suis engagé à faire ce que dirait la roue. C'est-à-dire que la roue est tombée entre 0 et 6 personnes avec moi. Et ça peut tomber sur n'importe qui. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ma Gaëlle, tu fais quoi dans la vie, Gaëlle, toi? Je suis étudiante en... Là, je vais passer en deuxième année de BTS, assistante de manager. D'accord, ok, cool. T'es contente de ce que tu fais ou t'as envie de changer de voie? Non, j'ai envie de changer de voie le plus rapidement possible. Donc ah, c'est vrai? BTS, ouais. Ouais, pourquoi t'aimes pas? Parce que j'ai pas envie, en fait. Je pense que je suis pas faite pour être derrière un bureau. Mais t'aimerais faire quoi, genre un truc complètement en plein air? Oui, bah pilote d'hélicoptère, si possible, dans l'armée de terre. Ah oui, d'accord, ah, énorme. C'est comme C'est facile d'être pilote d'hélicoptère, j'imagine que non. Non, bah c'est plus facile quand pour entrer dans l'armée de terre que dans l'armée de l'air, donc oui, c'est quand même plus facile, on va dire. Ouais. Attends, il y a des pilotes d'hélicoptère dans l'armée de terre? Oui, dans l'armée de terre, oui. Ouais, t'es un peu dans l'air, mais t'es quand même dans la terre. Quoi. Ah, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est rigolo. Je pensais que c'était l'armée de l'air qui gérait les hélicoptères et tout. Elle dépose des troupes. Non. Ouais, c'est ça, ouais. T'aimerais déposer des troupes ou t'aimerais être un avion de chasse avec des roquettes? Avion de chasse. Ah, bah, avion de chasse, oui, mais non, c'est pas. Non, enfin, hélicoptère de chasse, pardon, parce qu'il y en a, des hélicoptères de chasse. Ah, oui, c'est pas mal. Oui. Ouais. Ça t'aimerait avoir des roquettes comme ça Qui aimerait pas Et puis là, décolleter, putain. Et là, tu te sens brusque tout puissant. Franchement, tu peux te décaler sans connaître. Faut pas faire de conneries là. Ah ouais, putain, ouais. Non, c'est clair. Ouais. Et puis en plus, t'es dans une zone de guerre. Hein. C'est-à-dire que t'as pas intérêt à t'écraser. Ah ouais, tu tombes en Afghanistan, mon gars. Mais non, mais c'est pas une blague là, du coup. Ah ouais, tu descends pas de l'hélicoptère putain, là, tu danses, tu leur fais écouter du Camaro, ils comprennent pas ce qu'ils font. Je connais une fille qui a avalé une craie et c'est à cause de ça elle a un trou dans la gorge. Pétula, salut Pétula. Salut Pétula. Oh, il faut surtout pas manger de la craie, moi je le disais à tout le monde. Céline, chargée de clientèle, mon conjoint et moi sommes verso. Deux versos ensemble, t'avais dit que c'était bien les deux signes. Dès qu'on est du même signe, il y a 10% de divorce en moins. Voilà, on fait la compatibilité des signes astrologiques. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors Gaëlle qui est là de Vigneulles, les Atons-Châtel. Tu voudrais devenir pilote d'hélicoptère alors? Oui, c'est ça, oui. Et donc, tu avais une question par rapport à ton signe astrologique, c'est ça? Oui, bah du coup, oui, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais envoyer un SMS et puis pour voir ce qu'on va me dire. Donc, voilà. Ouais, alors bah, on n'a pas tes coordonnées, hein. Flo des cadeaux, t'as pris quelqu'un comme ça là, c'est ça? Ouais. À l'ancienne, très bien. T'as raison de le faire. Jean-Yves, t'as pas ses coordonnées. Juste, qu'est-ce que t'es comme. Ta date de naissance et ton signe astrologique? Donc le 14 novembre 1997, scorpion. Oui, scorpion, ouais. Ouais, scorpion. Ouais, c'est bon. Mais oui, c'est une ambitieuse, tenace et tout. T'as intérêt à être bonne en maths parce que les pilotes d'hélico, j'ai un copain qui avait fait ça, il a fait subspé et puis une école d'ingénieur quand même, donc c'est pas. Faut bosser. Mais oui, il y a plein de bonnes choses à faire dans le côté militaire, tu serais très doué là-dedans. J'ai plein de confiance, Gaëlle. Donc scorpion, c'est pas mal. Voilà, scorpion, 14 novembre 97 à Agno. Ouais. Et pilote d'hélicoptère, donc c'est pas mal. 14 novembre, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner très bien. Il y a un côté ambitieux, elle est volontaire, elle est tenace. Elle aime pas trop obéir aux ordres tout le temps, hein, parce qu'elle est un peu. C'est pas génial pour l'armée, Pour l'armée, c'est chaud. Ah, c'est le point faible. Hein. Ah, parce que pour l'armée. Caractère, ouais. Ah ouais, putain. T'es une casse-couille en vrai ou quoi? Non. Parce que pour l'armée, apparemment, faut savoir fermer sa gueule quand t'as un ordre. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas bonne. Chef. Faut savoir. Non, mais même. Bah oui, mais si t'es chef, t'as forcément un chef avant que tu sois président de la République. Oui, bon, c'est pas faux. Et t'as toujours un mec et dans l'armée. Quand t'as un ordre, même si tu penses qu'il est pas bon, tu dois l'appliquer. C'est le principe de l'armée. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que si ton chef il te dit va tout là-bas et là tu dis non, mais là ils nous attendent. Là. Je le vois et il te dit tu vas vers là-bas, bah, tu vas vers là-bas quoi. Et faut être discipliné. Ouais, quoi. Bah oui. Ça s'appelle la discipline. Même si t'es pas d'accord et si t'es pas d'accord, c'est il compliqué. Te tape. Quoi. Bah non, il te tape pas. Mais enfin, il te tue. Voilà. Non mais en guerre. Il faut respecter ces hiérarchies. C'est normal. Voilà, en tout cas, ma chérie. Ça te va, Gaëlle, comme réponse? Ça peut aller pour le militaire, les scorpions. Tu veux faire une dédicace avant de partir? Oui, bah, je fais une dédicace à Julien et Amandine. Et Julien, qui est un très, très gros fan de toi. Donc, c'est voilà. Gentil. Putain, et Julien, c'est le prénom de mon personnage dans L'âge de glace que je vais faire. Oui, ouais. Voilà, Julien, c'est le nouveau mammouth. Ceux qui veulent le voir, il sort le 13 juillet. Là. Ouais, je suis allé le voir dimanche. Il est énorme en plus, le film. Ils sont montés d'un cran en termes d'image et tout. Ah ouais. Et ouais, franchement, ça m'a fait marrer tout ça. Et t'es beau en mammouth? Vous allez. Bah, c'est pas moi, donc. Ah ouais. Moi, je fais que la voix, mais. La voix, c'est un peu toi, du coup. C'est rigolo. Ouais, bah, je suis le petit mammouth avec une tignasse et des poils foncés. Et j'essaye de draguer la petite mammouthesse. Et à la fin, mais en fait, vous allez voir, je peux pas vous dire. C'est le nouveau personnage, mais il est très important parce que tout le film, il se passe un truc. Et à la fin, il y a le. Ah bah non. Bah, voilà, je vais pas balancer la fin. Ça, je vais me prendre un mail de la Fox. Non, mais c'est énorme. En tout cas, il est vraiment bien. Il sort. C'est L'âge de glace 5 pour ceux qui aiment bien L'âge de glace. C'est un succès à chaque fois qu'il sort. L'âge de glace, c'est un carton. Ouais. Et c'est les lois de l'univers. C'est la fin du monde en fait. Hein. Enfin, la fin du monde qui approche. Et vont-ils s'en sortir ou pas, mon gars? Je sais pas. Et d'ailleurs, à propos de L'âge de glace qui sort, on file on a des iPhone 6S. Ouais, Guillaume. Putain, c'est vachement bien quoi. Toute la semaine, ouais. D'ailleurs. NRJ partenaire du film, tout ça, donc ils nous ont donné. Ah, bon, on a compris, sinon on en parlera. Quoi? Faut le dire quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, on a un chef qui va nous engueuler comme l'armée. J'ai besoin de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Et moi, cancer, sommes-nous compatibles? Salut, femme bélier, homme cancer. C'est pas vraiment la meilleure combinaison possible, parce que la femme bélier, elle aime bien quelqu'un qui en face fait, y a du répondant, tout ça, qui a du caractère, quoi. Et l'homme cancer, il aime bien qu'on lui foute la paix. Salut Guillaume, dédicace au chauffeur JLF, y a pas de problème. Bonsoir. Salut. À vous les chauffeurs JLF, Teddy du 59. Bonsoir à tout, mon ex et moi, je suis poisson du 1er mars, celle du 5 septembre. Ouais, vierge poisson, c'est un dax qui fonctionne sur la gentillesse, mais il faut communiquer plus pour que ça marche longtemps. Moi je suis bélier, bonsoir Guillaume, marié à une vierge. Bélier vierge. Bélier vierge, pauvre vierge. Pauvre vierge. Ah ouais, ouais, ouais. Tu lui mets la race à ta femme. Ouais, en termes de caractère et tout. Ouais, c'est pas. Bah, de toute façon, le bélier, le problème, c'est pas est-ce qu'on va s'engueuler avec, c'est quand est-ce qu'on va s'engueuler avec. C'est ça, ouais, ouais. Le point fort des béliers, c'est quoi, ils demandent, là, justement là. C'est des impossible de les freiner quand ils sont dans leur élan premier. Ah. Il faut ces caractères-là parce qu'ils sont formidables, ils créent un tas de trucs tout le temps. C'est des moteurs sur pied, ils sont extraordinaires pour initialiser les choses, démarrer les trucs. Mais qu'est-ce qu'ils sont dominants et ils aiment pas être. Je suis superviseur de maintenance. Bonsoir à toi. Évolution, changement, point d'interrogation. Alors quand c'est pour poser des questions pointues comme ça, faut que tu laisses ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance vraiment précis, etc. Et on t'appellera à l'antenne pour savoir s'il y aura une évolution, etc. Tu le vois sur la carte du ciel, ça, vraiment, ouais. Ben, il me faut plein de paramètres, mais on arrive à des croisements qui font que la marge d'erreur, elle devient infinitésimale, quoi. Oui. C'est rigolo, quoi. Oui. Infinitésimale, mais dis donc. Ah, j'aime bien, putain, j'aime bien quand tu me sors des mots comme ça, ça nous éduque un petit peu, quoi. T'as retenu JM du standard. C'est quoi le mot? Infinitésimam. Non, infinitésimal. Infinitésimal. Avec un L à la fin. Ah, c'est... Salut, alors JM du standard. Ah, non. Est-ce qu'un homme lion, une fille poisson, ça fonctionne? Ouais, c'est une belle combinaison. Elle est inattendue, mais elle marche très bien. Ah, c'est vrai, pourquoi inattendue? Parce que y a le feu et l'eau, donc c'est une combinaison qui, par élément, n'est pas spontanée, quoi. Ah. Mais globalement, ce qui marche bien, c'est que le poisson est assez toujours bluffé par cette chaleur, ce côté dominant du lion qui est assez sûr de lui et qui obtient des résultats. Et tant que le poisson se laisse porter, ben, le lion il est ravi et ça se passe bien. Il y en a un qui dit bravo l'équipe de France, je suis à fond sur les bleus, mais ça me fait peur le match France-Albanie puisque le dernier c'est le 13 novembre. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'était au Stade de France qu'il y a eu les bombes. Ouais. C'est vrai. Oh là là. Et c'est quand le match l'équipe de France là? Jeudi 7 juillet à 21h. Ouais. Oh putain. Ouais. Ah ouais. Non, bah non. Après, ils vont pas se dire, mec. C'est au Vélodrome en plus. Ouais. Ah, c'est au Vélodrome à Marseille. Pourquoi en plus? Parce que j'aime bien être Marseillais. Il a besoin de dire qu'il est Marseillais. En tout cas, allez les Bleus pour jeudi, évidemment. La Belgique, ils jouent quand? On est à fond pour la Belgique aussi. Ils ont perdu. Bah oui, ils ont perdu. C'est fini. Maintenant, le prochain. Contre le pays de la demi-finale. Je sais qu'elle est con. Non, mais j'ai tous mes potes belges et tout, parce que j'ai habité 2 ans et demi en Belgique, ils ont mis des messages. Je suis vraiment un débile. Là, j'ai parlé trop vite, par exemple. Ça arrive, j'aime bien. L'autre demi-finale, c'est Portugal-Pays de Galles. Voilà, Portugal-Pays de Galles, exactement. Mercredi. Tous les Galles, tous les Angles, ça se termine. Pays de Galles, Portugal. Ils jouent mercredi. Ouais, c'est ça, ouais. Jeudi, et la finale, c'est dimanche prochain. Dimanche au Stade de France. Oh là là, c'est ouf, hein. Ah, j'aimerais bien y aller à la finale. Hein. Ah ouais. Et après, que s'il y a la France? Il n'y a pas la France, moi, franchement, voir un Portugal-Italie. Genre, si, c'est une finale quand même. Ou même Portugal-Allemagne, ouais, non, mais c'est beau et tout ça, mais je veux dire, je suis moins excité que quand il y a la France. Ah oui, là, moi, j'ai vu le Stade de France rempli de drapeaux français. Putain, c'était beau. Si quelqu'un nous entend, qu'il a deux places. De quoi? Moi j'aimerais bien y aller aussi, Guillaume. Ah, ouais. Non, mais c'est clair, Putain, moi j'ai eu du cul de trouver deux places, il y a deux places à vendre. En plus, je crois qu'Energie, ils en font gagner, Guillaume. Non, c'est vrai? Deux places pour la finale. Ah là là. Mais non, on ne veut pas gagner, bizarrement. Ah, c'est vrai? Ouais. Merde. Il n'y a pas de confiance. Non, mais c'est vrai, il faut les gagner quand? Je sais pas, ils n'ont pas voulu me dire. Non, mais tu peux pas jouer, Guillaume, pourquoi tu demandes qu'on peut les gagner? Mais non, pour savoir si on en offre, comme dans on offre des trucs de concert, etc. Ça aurait été bien dans nos femmes. Putain, moi je suis jaloux, j'aurais bien aimé vous faire plaisir. Je sais qu'on a plein de fans de foot le soir. Ouais, là. Ils vont les foutre l'après-midi là. Putain. Je pense, ils vont pas. Non, c'est vrai. Ouais, je vais aller voir. Ah non, attends. On va faire une manif là. Ah ouais. Non, mais en plus, vraiment pour vous faire plaisir, moi je suis content. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui sont à fond là. Moi je suis scorpion, je suis infirmière et mon homme est taureau. Scorpion, infirmière, avec un homme taureau, donc scorpion taureau. Ouais, c'est un truc qui peut marcher très fort, mais tout se négocie dans ce couple. Tout se négocie. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est deux. Alors, ils s'entendent très bien dans l'intimité. Au lit, c'est très très fort. Mais pour le reste du temps, c'est un rapport de force en permanence. Je te donne ça, tu me donnes ça. Moi, je fais ça, tu fais ça. Mais d'accord, mais en contrepartie, tu me dois ça. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est toujours un peu chaud, quoi. C'est tendu. Attends, il y en a un qui est tendu ou qui est pas tendu? T'es tendu ou t'es pas tendu, Eric? Non, je suis bien. Eric de Vinus. T'es pas tendu, Eric, toi? 51 ans. Moi, je suis bien. Ça va, mon gars, ou quoi? De l'Essonne, t'appelles, ouais, hein, c'est ça? Ça hein va, et toi? Tranquille, hein. Vinus sur cette. Merci d'appeler, Eric, hein, c'est gentil. Hein. Non, merci à toi, parce que je vous ai. Je t'ai vu samedi soir, ça m'a bien fait plaisir sur W9. Attends, on s'est. Ah, samedi, sur W9? Ah, bah ouais. Oh putain, c'est une vanne. C'est la 700e rediffusion du top 50, ouais. C'est ouf. Hein. Mais ça fait plaisir. Ce que j'aime bien, c'est ta simplicité, parce que tu es vachement simple, comme gars. Ah, merci mon gars, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, je suis un peu simplé, c'est les gars simples. Je rigole. Ah, c'est super cool, mec. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et t'étais jamais passé à l'antenne avec nous? Ah si. Si, ah, déjà passé. Il y a un petit moment déjà. Ah ouais, tu travailles dans quoi toi déjà? Rafraîchis-moi la mémoire. Dans le nettoyage. Dans le nettoyage, d'accord. Le nettoyage à Renault Lardy. Ah ouais, ça me dit un truc. Ouais. T'es dans Essonne, hein, ouais. C'est pas toi qui nous envoie une culotte? Non. Ah bah non, sur mon point. Non, il y a un autre Eric du 91 aussi. Oui, bon, on a trois Eric dans le 91. Ouais, ouais. Non, exactement. Parce qu'il y a un gars qui nous avait une culotte pour Flo des cadeaux. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Merci. Ah non, sur mon point, non. Non, mais. Autant pour moi. Non, non, mais je sais bien, parce qu'en fait, il s'appelle Eric, il vient du 91 aussi, Flo des cadeaux. Mais Eric m'a envoyé des t-shirts. Ah, c'est vrai, ouais. Ah bah c'est sympa. Lequel d'Eric? Celui-là? Celui qui est avec nous? Ah, t'as envoyé un t-shirt, Eric? Dans deux, oui. Deux. Putain, c'est sympa, merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais, super cool, parce qu'en fait, Flo des cadeaux s'habille tellement mal qu'on a fait une sorte de sondage pour vous envoyer des t-shirts les plus sales les uns que les autres. Ouais. Et vous l'avez envoyé en masse en plus. Merci non, mais beaucoup. Maintenant, il s'habille mieux, Flo des cadeaux. Ah ouais, oui. Je peux vous dire que ça lui a fait un choc hein, qu'on se foute de sa gueule pendant 6 mois. Il a plus que des cheveux blancs. Mais au moins, il s'habille bien. Merci. Quoi. Non, je suis très content. Flo des cadeaux, il évolue à une vitesse. Hein, ah ouais. Non, vraiment. Je te dis, Eric, tu l'as changé. C'est un autre homme depuis que tu as envoyé un t-shirt à la poste. Merci, Eric. Maintenant, il ne reste plus qu'il faudrait qu'on trouve un coiffeur qui est une fois par semaine pour lui couper sa crinière là. Hein. Ça va. Et je sais pas ce qu'il faudrait te faire comme coupe de cheveux, toi, Amina du standard. Non, je sais pas, mais franchement, un petit tie and dye, c'est pas une vanne. Un tie and dye, si on éclaircit un peu sur les points. Mais non, il y a plein de mecs qui font ça. Tu fais un petit balayage là, un peu blond surfeur des neiges là, ça va le faire. Si, elle a raison. Ouais, on va t'en faire un tie and dye. Un tie and dye, c'est des mèches en fait. Ou un bonnet. Des mèches, ouais, un bonnet. Non, mais ça tirait pas trop mal, Jim Sandard. Faut garder des cheveux sur le devant parce qu'il a un peu un grand front. Faut des Un grand front. Non, mais une petite frange, une mèche sur le devant. C'est un beau gosse comme nous. Et franchement, il a une petite tête un peu de viking. Ouais, d'Islande. On pourrait croire que c'est un Islandais. Ouais. C'est un viril. C'est un beau gosse barbu, voilà. Mine de Sandard qui fantasme. Eric, t'avais une question. T'es cancer, t'es né le 2 juillet 64 à Paris, ouais, 12e. 64 à Paris, c'est ça, dans le 12e. Tu bosses dans le nettoyage et si tu voudrais évoluer dans ton boulot, tu voudrais savoir si ça va marcher 2 juillet, donc t'es cancer, c'est ça? Oui, cancer. Pas de conneries. Très bien. Jean-Yves Espiel, astrologue. Il n'y a pas trop de planètes qui bougent tout de suite, donc on va peut-être attendre. Il y a un climat intéressant, mais d'ici un an et demi. Un an et demi, ça peut être pas mal. Donc, ça va vite, un an et demi. Pour l'instant, il ne faut pas bouger. Faut être tranquille. Donc dans un an et demi, ça devrait aller gros. Mais ça, ça se prépare un programme comme ça. Bah ouais, t'aimerais évoluer dans quel domaine? Bah toujours dans le nettoyage, mais plus pour une société de sous-traitance. Ah ouais, t'aimerais dans une société de traitance tout court? Non, carrément dans une autre société. Mais d'accord. Plus tu peux être dans une société de comme ça. D'accord, ok, très bien. Ok, donc t'aimerais travailler dans une autre société. Et ça doit pouvoir se négocier, je suis sûr, moi. Chez des concurrents, quoi. Ouais. T'envoies des CV un petit peu ou pas du tout? Bah là ça y est, c'est en train de se faire tranquillement. Ah c'est vrai? Ah bien. D'accord. Bah, oui. Et t'as pas encore trop de réponses et tout, non? Pour l'instant non, ouais, j'en ai raté une et puis j'attends. Ouais, ok, bon écoute, bon courage hein, gros. Et apparemment d'ici un an et demi. Ouais, ça devrait aller mon gars. Ok, tu veux faire une dédicace? Oui, je voudrais vous dédicacer l'émission déjà pour vous remercier de tout ce que vous faites aussi. Hein. Merci. Ah, c'est... Et c'est dommage que c'est pas télévisé par contre. Hein. Que c'est pas quoi? Télévisé. C'est la radio. Ah là là. Ouais, non, mais t'as raison, t'aimerais bien qu'on soit à la télé, mon Eric, c'est gentil ça. Ah, ça serait trop bien, Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, t'as plus que 2 mois à attendre, mais je peux pas. Ah, pas le teaser. Ah ouais. Jean-Michel, j'annonce pas tout. Ouais. Mais j'annonce un peu. Ouais. Non, normalement, à la rentrée, ça devrait aller, mon Eric. On devrait être un petit peu plus à la télé que j'ai été. Je serai un petit peu plus présent l'année prochaine que cette année, hein, c'est-à-dire un peu plus, quoi. Parce que je pouvais pas être moins présent que cette année. Comme tu l'as ça vu. Pas difficile. Mais non, normalement, l'année prochaine, il y a des bons trucs qui arrivent, mon gars. On va rigoler un peu, là. Ah bah, c'est bien. C'est une bonne chose. Ouais, franchement, on va foutre des concombres dans le cul du GM du standard. Ah Là, on va s'amuser. Enfin, on va faire des expériences. Ouais. T'es pas au courant non plus. Sympathique. Madame, on va rigoler, gros. Merci en tout cas de ton appel, hein, mon Eric. Hein. Puis du coup, bah, à la rentrée, quand tu veux. Enfin, on est là jusqu'au 15 juillet, on n'est pas parti encore. On est quoi? On est le 4 là. On est là encore jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Et on vient vous voir, en plus, on va trop rigoler, c'est génial. Là. On vient vendredi à Angers, à Trélazé, dans le 49, hein, représente le Maine-et-Loire, le 8 juillet, donc vendredi prochain à 21h au parc du Vissoir, donc dans 4 jours, au boulevard André d'Hôtel. On vient avec Ritza, Jennifer, Chris Cab, Willy William, Souf, Boosty, Makassi, Zao, Unique, France, Lima. Franchement, ça va être très très drôle. Il y a du monde. Vous allez être entre 60 et 70 000. C'est quand même un des plus gros concerts qu'on organise par an. C'est pas un Energy Music Tour, c'est un Energy in the Park. Ouais. Donc c'est différent, c'est vraiment beaucoup plus gros. Et alors, ça sera le 14 juillet, donc c'est jeudi, c'est ça, j'ai besoin de la semaine d'après. Jeudi prochain, ouais, c'est ça. Le 14 juillet, on vient à Toulouse, au parc de la Prairie des Filtres. Ah ouais. Alors, t'as marqué une adresse, JM du Standard. Ouais. 31 rue Lagan. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'en fait, vous allez être un petit peu partout dans Toulouse. C'est le plus gros concert jamais organisé en France. Ça va être le 14 juillet, vous allez être 370 000. Voilà, on va animer le truc le 14 juillet. Oh là. Y aura Luan, Soprano, Tal, Ritza, Zao, Chris Cab, Jason, Sean Paul, Kinvey, Les Trois Mousquetaires, Le Feu d'Artifice à 22h30. Voilà, ça va être très très gros. On arrivera donc à partir de 20h30 pile poil. Hein, c'est précis, c'est millimétré. Apparemment, c'est le Feu d'Artifice, il part à 22h30 et 0 seconde. Ah ouais. Donc Luan a intérêt à finir vite de chanter. Parce que ça va speeder, mais on va trop rigoler. J'ai trop hâte de voir tous les artistes, de vous voir tous là-bas. On va trop se marrer à Toulouse. Donc le 14 juillet, le 8 juillet à Angers, à Trélazé. Venez de loin, les mecs. Hein, c'est vraiment des gros shows, hein, que Energy organise. C'est vraiment drôle, on s'amuse bien et tout. Et bon, Eric, j'espère te voir à Energy Music Tour d'ailleurs. Là. C'est jeu au cas où, oui. Ah bah ouais, attends, dès qu'il y en a un sur Paris, il faudrait que tu ramènes. Si c'est sur Paris, oui, y a pas de problème. Là, ah bah ouais, t'inquiète. La prochaine fois que c'est sur Paris, on te dira, moi, Eric. Alors. Ouais, oh, y a pas de problème. On l'annoncera. Ah oui, on l'annoncera. Vous n'êtes jamais sur. Comment ça s'appelle, la Fnac d'Evry? La Fnac d'Evry, non, pas spécialement, parce que en fait sur l'Île-de-France on fait pas de délocalisation. Ceux qui veulent vraiment nous voir, ils sont les bienvenus. On fait des visites du bâtiment, on organise une fois par semaine, tu vois. Ceux qui veulent venir visiter le bâtiment m'envoient des mails, hein, sur guillaume@energie.com, et on fait la visite gratos. Évidemment, je dis ça sent évident, mais il y en a qui me demandent toujours s'il faut des tickets. Il en faut pas. On fait ça parce que c'est notre passion. On fait visiter un petit peu notre milieu, et voilà. Donc en fait je vais pas emmener toute l'équipe, installer des systèmes satellitaires, etc., pour faire une émission à 8 ou 9 km. C'est un peu bête, alors qu'on a tout le matos ici, et par contre on préfère venir vous voir là où les autres ne vont jamais. C'est ça qui nous font plaisir, parce que tu vois qu'à Caen il y a quand même très peu de mecs qui je viens de là-bas, et ça m'attriste beaucoup. Ouais, il y a peu de shows, etc., donc c'est pour ça qu'on est content d'aller un petit peu partout, tu vois, mon Eric. Mais c'est une super émission vous faites, hein. Ouais, c'est gentil, mon gars. Ouais, c'est sympa, merci. C'est normal. On pourrait faire l'émission comme ça, à se branler toute la nuit, ça me fait très plaisir. Mais vraiment, moi, je te jure, t'es sympathique, mon gars. Je te repasse Flo Descrado, d'accord, ouais. Pour la douche, hein, pour la douche, pour le décrassage, après le passage. Ciao, mec, salut Eric. Ouais, salut Eric. Salut. Ciao. Johnny, après Eric. Bonsoir, Johnny, de Belgique. Salut, Johnny. Salut, Johnny. Ça va? Comment ça va, Johnny? Ça va et vous? Ouais, tranquille, hein. T'appelles, t'es né en 81 à Enghien. Tout à fait. 28 novembre, t'es Sagittaire et tu voulais savoir si la chance va revenir, parce que depuis mars, c'est des galères, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est normal, Johnny. En ce moment, sur les pauvres Sagittaires, il y a une planète qui s'appelle Saturne qui vous pourrit la vie, et puis ça fait 6 mois que ça dure. Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ça va durer encore 6 mois, et la bonne, c'est qu'après, c'est fini pendant longtemps. Voilà, faut tenir le choc, faut voir plein de têtes, plein de gens, sourire, être positif, c'est la qualité numéro un du Sagittaire. C'est ce que j'ai fait tout le temps, mais il y a des moments où ça commence à descendre de plus en plus quand même. Ouais, mais là, faut vraiment tenir le choc. T'as quoi comme galère, mon gars, là? Eh ben, le 12 mars, j'ai mon papa qui est décédé. Oh là là, ouais. Il s'est fait opérer aux jambes et il est décédé suite à un choc hépatique au foie. Oui. Le 19 mars, j'ai ma grand-mère qui décède. Et puis moi, je me suis fait opérer en enlever un kyste à mon coccyx le 24 mai. Et le 17 juin, je me suis fait réopérer pour un abcès périanal. Ah ouais, putain, la vache. Pas de chance. Guerre. Bon, bah, bon courage à mon Johnny. Hein. Et toutes nos condoléances pour ton papa et tout ça. Ouais. Super, merci. Un gros bisou. Mais donc, ça a l'air d'être une meilleure période après. Dans 6 mois. Bon, après la pluie, il y a le beau temps. Il y a le soleil. Tiens le coup, Johnny. On attend. Bon, okay. Ouais, putain, j'imagine, hein, mon gars. Et puis pareil, hein, si tu viens visiter le bâtiment, tu viens quand tu veux, hein. Ouais, nickel, mais de Bruxelles, ça fait un peu loin, non? Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait un petit peu loin, mais parfois... mais ça peut faire... Le principal, c'est que ça en vaille le coup. Et parfois, il faut mieux faire 3 heures de route pour voir un truc cool que faire une heure et se faire chier un spectacle de merde. parce que voir JM du Standard danser sur le Daddy en signe... Et faire la visite. Voilà, danser l'après-midi, je peux dire que ça n'a pas de prix. Et tous les gens qui repartent, ils sont tellement contents parce qu'on a bien rigolé que ça vaut le coup. On fait des blagues. Il y en a plein qui viennent de Belgique en plus. C'est vrai, en plus. C'est vrai, ils font un retour et tout ça, même de Suisse et tout. Il y en a qui font un retour dans la journée, quoi. Bon, on est peut-être plus sur la coupe, dans la coupe, mais on est quand même encore présent à la radio. Ouais, t'inquiète, putain. Ouais. Allez, bon, en tout cas, gros big up à toute la Belgique là qui s'en fait éliminer de l'euro, effectivement. Ouais. Bon, je t'embrasse, mon Johnny. Je te repasse pour des cadeaux aussi. Ouais. On va t'envoyer un petit truc à la maison, d'accord, mon gars. C'est bien, gentil. Allez, gros bisous. Ciao, les gars. Merci. Ciao, bisous. Salut, Johnny. Ciao, Johnny. On se fait Gilo là, et Nyon Mama. On s'est pas fait Nyon Mama là. Non. Et on se dit au revoir juste après Gilo sur Énergie. Bonne nuit, tout le monde. 22h17, c'est Guillaume Radio 2.0. On est là, comme chaque soir, 21h, minuit, jusqu'au 15 juillet sur Énergie. When you gon' get your act together, I ain't your mama, no, I ain't your mama, no, I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine, oh yeah, yeah, yeah, let's get to work on time. Jusqu'au 15 juillet, 21h minuit sur Énergie. Arrête, 21h à minuit. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. J'ai créé un appel. Attends, y'en a qui Attends, juste avant de terminer l'astrologie ce soir avec Jean-Yves Espier, notre astrologue. On va te retrouver où c'était toujours dans Télé 7 jours. Ouais, toujours Télé 7 jours. Voici m'a commandé leur spécialité. Je me suis régalé à faire des trucs rigolos. Bah c'est fait, là, c'est écrit, maintenant c'est dans les tuyaux. Ah très bien. Voilà. Il sort toutes les semaines. Voici c'est un voici j'aimerais bien le choper toutes les semaines. Je le faisais il y a des années mais là Et là il y a la spécialité dedans. Voilà. Ben il y a pas de problème, on va aller mater ça. Hein. Merci mon Jean-Yves Espier. Merci à vous. D'être venu à chaque fois, c'est un plaisir. On te revoit quand du coup à la rentrée ? Avec plaisir.

But sometimes you just gotta know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. Jusqu'au 15 juillet, 21h minuit sur Énergie. Allez, de retour. Oh putain, il est court ce jingle. J'ai pas allumé les micros. Bonjour à vous sur Énergie. Bonne nuit tout le monde. 22h28. On est en direct, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de foot ce soir. On se tiendra au courant évidemment des matchs qui vont se passer mercredi et jeudi. Hein, voilà, ouais. Comme tout le monde. T'as vu la fouine, il s'est coupé la barbichette. Du coup, il pourra plus mettre, le mettre dans le cul. Salut Ibrahim. Merci Ibrahim. Le mettre dans des culs. Bonsoir à toi. Puis-je jouer à ce jeu? Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, je vois les messages qui arrivent. Les gars, on fait de la radio interactive, on fait de la radio ensemble. J'aime bien ce mot, il est bien ringard, bien à l'ancienne. mais vous me laissez un petit message, les gars, et je vous rappelle bien sûr direct, hein, Guillaume et au début du texto, dans le texte, c'est obligatoire qu'il soit là pour qu'il arrive dans mon studio. Et vous le balancez au 6, 11, 12, que ça soit une dédicace, un petit message. Aujourd'hui, on change l'équipe, alors je vous explique. On va faire tourner la roue d'ailleurs dans un instant, pour savoir qui sera avec nous demain. Vous savez quoi? On va le faire tourner maintenant. Déjà. Alors, on va faire tourner. Oui, alors aujourd'hui, j'ai 4 membres dans mon équipe. Tous les jours, on s'amuse à changer avec la roue. Je vais peut-être même prendre certains d'entre vous chez vous pour faire de la radio avec moi pour un soir. J'ai même pris Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été. Ouais. Et contente d'être là. Cette fille, elle me donne le sourire quand j'arrive. C'est mon petit soleil à la, au bureau. Elle a toujours un grand sourire. Mais il a dit que c'était faux, l'astrologue. Alors, Non, c'est pas que c'est faux. C'est que je suis ascendant balance. Donc. Voilà, c'est bien. Ouais. Donc c'est faux. Quoi. Ouais. En tout cas, il y a JM du standard qui est là. Ce soir, il y a Amina du standard. Flo des cadeaux qui gère le standard ce soir à la place d'Amina du standard qui se prend les couilles toute la soirée. Exactement. Et c'est marrant, on a interverti, on s'amuse à faire ça en mode été. Voilà, Guillaume Radio 2.0 en mode été et Julia qui est en stage chez nous, qui est là aussi ce soir. Alors, si jamais vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus, Guillaume et vos textos aussi 11-12. Je vous propose qu'on fasse tourner la roue des gens. Comment on avait appelé ça d'ailleurs? La roue des gens. Non, j'avais trouvé un autre nom. JM du standard, c'est la roue de. La roue du futur. Non, putain, ouais, j'avais la roue trouvé de l'équipe. J'avais trouvé un autre truc. Je sais plus ce que c'était là. Bon, on va voir de combien de personnes va être composée mon équipe demain. Ça peut aller de 0, donc je peux faire l'émission tout seul. Ça peut aller de 0 jusqu'à 6. Voilà, je peux mettre jusqu'à 6 personnes avec moi. Je vous propose qu'on fasse tourner cette roue. JM du standard, c'est toi qui vas faire tourner la roue où il y a le chiffre d'abord. Combien il y aura de personnes avec moi demain? 3. 2, 1, vas-y à fond. Quatre personnes. Ah bah ça bouge pas. Ah bah voilà. Comme bon bah très bien. Et ben 4 personnes ce soir, donc il y a pas de problème. On va faire tourner maintenant la roue avec tous les noms. J'ai mis Amina du standard, Flo des cadeaux, Guigui de la régie qui est dans la régie qui nous fait les jingles et tout ça, JM du standard, Jordan notre apprenti, Julia qui est en stage, Julien le stagiaire et l'un d'entre vous. Voilà. On va faire tourner la première fois JM du standard quand tu veux. Allez. Fais tourner de toutes tes forces. 3 2 1, vas-y. Allez, au revoir. JM du standard. Le mec il s'est auto-fait gagner. Ah bah ouais. Avant de faire le jeu, dans 2 minutes, on va faire sur Énergie, on va rigoler. Dans 2 secondes, on va faire un truc énorme. On va faire un jeu où tu vas nous raconter des histoires de meurtre. Flo des cadeaux, ouais, c'est ça. Vrai ou faux? Allez, vas-y, refais tourner si tu veux bien. Ouais. JM du pas standard. Allez, tu fais tourner pour tout le monde. Ouais. Allez, on va voir. Sur qui ça s'arrête? Julia qui est en stage. T'as du cul, toi, Julia qui est en stage. J'ai le cul borné de nouilles. Mais oui. Le cul borné de nouilles. Elle est tellement classe. Ah, ouais. Ah mais j'ai pas vu, c'est-à-dire qu'en fait les épaules nues et les genoux nus aussi. C'est ça, c'est ça. C'est les extrémités, ouais. J'adore être nue. Mais il n'y a pas de problème. Mais sois nue dans les extrémités. On s'en verra ravi. Alors attends, on y va, on fait tourner, s'il te plaît, JM du standard. Allez. On n'a pas fini. Ouais. Allez, on va voir. Vas-y, 3, 2, 1, vas-y à fond. J'ai mal au bras là. Alors demain, qui fera l'émission avec moi? Pour l'instant, il y a JM du standard. Un auditeur. Ah ah. Alors vous savez quoi, on va faire par SMS dans 2 minutes. Ok, on va faire par SMS. Je vais en sélectionner un par SMS et vous allez venir faire de la radio avec moi demain. Voilà, c'est vraiment l'ouverture des frontières ce soir. Et la semaine prochaine, il y aura un petit chat, un poisson, mais alors, tout mais oui, mais ça sera sûrement plus intéressant que toi. Oh non, c'est pas vrai. Non. Trop de méchanceté. C'est grave, elle m'a fait rire. En plus, ça partait de mon intention. Un petit chat et tout, je propose des trucs. Non, mais t'es trop mignonne, Amina du standard. J'en ai marre. C'est le poisson, c'est le coup du poisson. On fait tourner. Pour l'instant, t'es pas là demain, Amina. Ouais, bah j'ai vu, merci. Voilà, on arrête de tourner ici. Non. On est obligé de faire tourner encore une fois. Allez, 4 personnes. JM du standard, JA qui est en stage chez nous. L'un d'entre vous. Amina du standard. Tu sais là, je parle d'elle. Oh là là, Voilà. Et Flo des cadeaux. Il n'y a que moi qui me fait baiser. Non, je viens stagiaire aussi du coup. Ah bah 2 jours d'affilée dans le cul. Okay. Et bah Flo des cadeaux, au revoir. Tu seras peut-être là dans 2 jours. Ouais, hein. J'espère. Bon, en tout cas voilà, Guillaume et votre message aussi sont. Alors vous savez quoi, il me faut l'un d'entre vous. On va faire un tirage au sort maintenant. Vous allez m'envoyer Guillaume. Et radio, voilà, comme ça je comprendrai. Vous, au début de votre texto, vous tapez Guillaume, un espace radio, avec votre numéro de téléphone dedans, au 6-11-12. Allez-y maintenant, Guillaume, un espace radio, avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Ah, c'est marrant, c'est à l'ancienne, j'adore. Ça n'a aucun sens, j'adore. Et on va faire de la radio avec, voilà, vraiment, vous faites, on est entre copains le soir, on est 1,5 million tous ensemble, et on en prend avec nous pour faire de la radio. Et moi j'ai cherché au standard l'un d'entre vous. Donc je vais prendre le logiciel, on va tirer au sort un numéro. Guillaume, et vous marquez radio avec votre numéro au 612. On va bien rigoler ensemble. Et demain il y aura l'un d'entre vous avec moi. Et juste après on se fait l'énigme. Déjà, ouais. Je file des iPhone 6S. Et Flo des cadeaux nous fera le jeu du tueur sur Énergie. Le jeu des faits divers. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. aime l'été. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne avec Gims après. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché. Et tout à l'heure, on se fera môme. Je suis routier de nuit à l'E8. Je serai pas l'un de vous. Je suis très lasé, mais en train de livrer. Ah merde, salut mon Didier là. Bon courage. Bon, on va prendre l'un d'entre vous. Hein. Vous envoyez Guillaume un espace et radio avec votre numéro de téléphone au 612 pour venir faire de la radio avec moi demain. Puisque j'ai fait tourner la roue de l'équipe et tous les jours on change l'équipe, c'est en mode été et on prend certains d'entre vous pour faire de la radio avec nous. Mais d'abord, il y avait juste Gauthier pour lâcher le ligne. Bonsoir mon Gauthier. C'est qui, papa ? Ouais, qui, papa ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Ça va ou quoi ? Enchanté, Gauthier. Gauthier, 16 ans, t'appelles de Chalon-sur-Saône, hein, c'est ça Gauthier? Ouais, c'est ça, ouais. En direct du 71, eh ben, sois le bienvenu, mon Gauthier. Ça fait plaisir. Ça eh ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Attends, tu travailles dans quoi, toi, Gauthier, là? Ah bah, à 16 ans, je travaille pas, hein. Ça serait de l'esclavage. Ah oui, non, mais t'es... Ah non, il y a des mecs qui travaillent à 16 ans, il y a oui, attends. Ouais, des jobs d'été. Mais ah non, tu peux travailler à 16 ans, bien sûr. En apprentissage. En apprentissage, etc., bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Non, attends. Non, de l'esclavage, au gros. Tout de suite, ça va, en tout cas, enchanté. T'es en quelle classe, toi, Gauthier, alors? Je passe en première, là. En première? Ça fait ma seconde, donc, ouais. Putain, donc là, ça fait combien? Ça fait un mois que t'es en vacances, quasiment, là. Bah ouais, du coup, j'ai fini le 10 juin pour. Oh là là, ah ouais, bah, ça va, c'est ouf. Ouais, bah, ça fait un mois qu'on est le 4, là. C'est ouf. Oh là. Il y a un mois, il y a un an pile poil, on était au Energy Music Tour de Roubaix. Ah oui, c'est ça, ouais. Et oh là là, c'était génial aussi. J'ai trop hâte de venir vous voir, hein, très lasé vendredi, on a trop rigolé, quoi. Et jeudi, d'après, là, le 14 juillet à Toulouse, ça va être trop cool. Mais d'abord, Gauthier qui est là, Chalon-sur-Saône, toi, on va faire tourner la roue du nombre de phrases que tu vas donner dans l'énigme. Ça peut s'arrêter entre 1 et 10, c'est le nombre de phrases que tu vas donner pour essayer de deviner la réponse de cette énigme ce soir, en sachant que tu as des iPhone 6S à offrir. Ouais, c'est ça. À l'occasion de la sortie du film de L'Âge de Glace. L'Âge de Glace 5, voilà. Dans lequel je fais le nouveau personnage qui s'appelle Julian, le petit mammouth d'ailleurs, avec Gérard Lanvin, Elie Semoun et Vincent Cassel. Et 5 phrases ce soir. Pour gagner un iPhone 6S, vous envoyez un SMS Guillaume et la réponse au 6-11-12. Vas-y mon con, on y va, je mets la petite musique de l'énigme à la con. Guillaume, juste deux secondes, parce que je suis sur une terrasse et il y a la voisine qui est venue de me dire « Parlez moins fort, parce que vous gueulez sur la terrasse. » Ah c'est vrai? Oh. Ouais, je te jure. Ah oh, ça va, il est 22h30, bah, ouais. Dis-lui qu'elle attend 30 secondes. Du coup, je rentre chez ma pote là, ma pote pour parler plus fort. Bon, et sinon, tu lui dis de se brancher sur Énergie, que tu lui fais un petit bisou. Hein. Ah ouais, je lui fais la dédicace. Bon, vas-y mon gars, on t'écoute, c'est parti. C'est parti. Les sauter est un jeu. De quoi? Les sauter est un jeu. Les sauter? Ok. Les sauter. Très bien, les sauter. Les sauter, les sauter est un jeu. Ouais, très bien. Il y en a de poussière. Le petit prince voulait qu'on lui en dessine un. Grâce à leur laine, on fait des vêtements. Attends, garde-en une. Les sauter est un jeu. Il y en a de poussière. Il y en a un qui dit, est-ce que ça serait les pattes? Non. Non, c'est pas les pattes. Les sauter est un jeu. Non, les nouilles. Les nouilles. Non plus. Est-ce que ça serait les cordes? La corde à sauter est un jeu. Non, essayez encore. Les sauter est un jeu, qui suis-je? Bah, c'est pas ça. Salut mon Domi du 95 et au poteau dédicace à 4ème de la Notre-Dame. Salut Domi. NDC à la 4ème A de NDC, dédicace à 5ème de Bossuet et à Brive de la part de Hugo D. Salut les gars. Alors, c'est pas les nouilles et c'est pas les cordes. Les sauter est un jeu. Il y en a de poussière. Les petits princes. Le petit prince voulait qu'on lui en dessine un. Grâce à leur laine, on fait des vêtements. Les mecs, je vous offre pas un petit cadeau ce soir. Je vous offre des iPhone 6S, les gros. On vous les file maintenant. On fait un petit tirage au sort. Ça prend vraiment 30 secondes. Vous jouez avec nous. Vous envoyez un texto. Il faut absolument que ça commence par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Guillaume et la réponse avec votre numéro dedans au 6-11-12. Les sauter est un jeu. Il y en a de poussière. Le petit prince voulait qu'on lui en dessine un. Grâce à leur laine, on fait des vêtements. Qui suis-je? Alors, il y a plein de réponses qui arrivent. On va regarder ça au standard. Qui suis-je? Il y a plein de réponses. Est-ce que ce serait de l'eau? Non. Amina du standard qui regarde aussi les réponses. Est-ce que ce serait des barrières? Toujours pas. Un repas? Non. Un trampoline? Je mets une musique, attention, de film. Non, c'est pas un ça. Plongeoir ou l'océan? Ah, essaye encore. Est-ce que ça sera un rocher? Non. Non, c'est pas ça. Les sauter est un jeu. Il y en a de poussière. Le petit prince voulait qu'on lui en dessine un. Grâce à leur laine, on fait des vêtements.

Grâce à leur laine, on fait des vêtements et on les compte pour s'endormir. Voilà, Guillaume, donc, est la bonne réponse au 6-11-12. À l'occasion de la sortie mercredi prochain du film L'âge de glace, Les lois de l'univers, voilà, qui sort le 13 juillet prochain. C'est mercredi prochain, pas ce mercredi-là, mais l'autre. Dans lequel j'ai eu la chance de faire un nouveau personnage avec Gérard Lanvin, Elise Moon et Vincent Cassel. Et vous pourrez aller le voir et je vous file des iPhone 6S, en tout cas, en attendant, à l'occasion de la sortie de ce film. Est-ce que ça serait les moutons, logiquement? Ouais, c'est ça, bien joué! Voilà! Il y en a qui dit Guillaume, parfois il y a des réponses incohérentes. Oui, parce qu'en fait, je vous expliquais déjà, mais je vais le réexpliquer parce que vous pouvez pas être tout le temps là. Mais en fait, dès la première phrase, dès que tu dis les sauter est un jeu, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de messages directs. Donc le temps que je lise, il y a toujours les réponses juste par rapport à les sauter est un jeu. Bah oui. Donc en fait, il y en a qui essaient de jouer en rapidité. Donc voilà. Quitte à se tromper, à envoyer plusieurs messages, mais ils tentent quoi. Et en tout cas, mon Gauthier, c'est parti. On appuie sur le bouton et on va prendre un gagnant. Du coup, j'offre un iPhone 6. C'est un beau cadeau quand même. Putain, iPhone 6S, les mecs, c'est plaisir. Bon, par contre, faut répondre. Ça va sonner en numéro caché, les gars. Et après, on se fera Amir aussi. J'ai cherché. On se le calera. Allô. Allô. Allô. Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Putain, et pour une fois que j'avais des iPhone 6S, c'était du cul, toi. Comment tu t'appelles? Greg, t'es dans ton lit ou quoi? Je suis en train de jouer à la play. Vas-y, hey, tu veux mettre pause, enculé, deux secondes? Ouais. Vas-y, t'as pas mis pause là? Si, j'ai mis. Ah, tu joues à quoi? À Emile GP. Ah ouais, bon, vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux mettre pause en plus. Bah ouais. Tu joues en ligne ou pas en ligne? Non. Ah oh, bah c'est bon alors, voilà, vas-y. Oui. Hey, vas-y, mon gars, t'as quel âge, Greg? 15 ans, t'es de quelle ville, Greg? Non mais c'est une blague. Allô. Eh mais vous me faites marrer, les gars. Eh, je te demande d'où tu viens, mon gars. Ah, j'ai pas entendu. Vas-y. Je viens de Haute-Savoie. De Haute-Savoie, dans le 7-4. Dans quelle ville? La Roche-sur-Fond. La Roche-sur-Fond, bah représente alors. La Roche-sur-Fond. Et vas-y, je t'envoie l'iPhone 6S, mon gars, demain, d'accord? Merci. De rien. Tu veux faire une dédicace? Vas-y, dédicace à vous, toute la Corse, à Basca et collège des Allobroges. D'accord, ok. Pourquoi toute la Corse? T'es Corse d'origine, toi? Ouais, je suis Corse. D'accord, ah, énorme. Bravo. Et du coup, t'allais habiter en Haute-Savoie depuis quand? Depuis, parce qu'en fait, mon père est Corse et ma mère, elle est savoyarde. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah, c'est un bon mix. Un métis savoyon-corse, quoi. Ouais. Vas-y, mon gars, hey, je t'envoie demain matin l'iPhone 6S. Je te repasse Flo des cadeaux qui est au standard ce soir, d'accord? Ok, merci. De rien, mon gars. Bonne nuit, hein, bon courage. Hein. Vas-y, play et geek bien en écoutant. En fait, as-tu geek et t'écoutes l'émission en même temps? Ouais. T'as énorme. Vas-y, mon gars. Et à bientôt, t'étais jamais passé à la radio? Non, jamais. Oh putain, t'es un petit peu stressé ou pas? Ouais, un peu. J'avais pas cru que vous avez que ça marchait. Ah ouais, t'es surpris. Ah bah, ouais. Bon cadeau là. Attends. Putain, tu gagnes un cadeau à 700 boules. Tu gagnes 700 boules. Ouais. Bon, je te repasse l'eau des crados. À bientôt, mec. Ok. Avec plaisir, salut, gars. Salut. Avec plaisir. Hey, tu veux faire une dédicace, mon Gauthier, ou pas? Ah ouais, gros dédicace à vous, parce que surtout moi, Guillaume, je t'écoute depuis que t'es sur Goom Radio, donc ça fait un bon bail. Ah, et énorme. Puis dédicace à tout le lycée Mathias, ma mère, Noémie de Toulouse aussi. Putain, c'est trop et, cool quoi. Mes parents, toute ma famille et tout. Ouais. Tu connais depuis Goom Radio? Goom Radio, ouais. Une radio internet où je suis resté quelques mois, comment t'as connu là-bas? Goom Radio, parce que tu t'as commencé en 2010, Goom Radio, c'est ça? 2011. 2011, bah, j'avais 10 ans, et puis Goom Radio, il y avait des trucs sur internet, où je suis tombé sur ça par hasard. Et puis Guillaume, c'est tous les soirs. Putain, c'est voilà. Trop bien, mec. Merci beaucoup. Ah, t'avais 10 ans, t'en as 16 maintenant, là. Ouais, il y a 6 ans. Ah, putain, c'est ouf, parce qu'une saison de radio, ça passe tellement vite, ah, quoi. Ouais. Une année. Ah ouais, putain, je te jure. Hein. Et Amina du standard, alors à oui. 60 ans, on sera encore là. Et tout. Arrête, ça va, il y a le temps. Et en 10 ans, ça elle passe vite. Elle a déjà vite, les habits, de toute façon. N'importe quoi, celui-là. Elle a déjà les chaussures et les habits, c'est bon quoi. Mes chaussures, arrête, déboîte mes chaussures. Et bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous les messages, etc. là qui arrivent. Merci d'accompagner l'équipe et merci de faire de la radio avec nous par à distance et tout ça. Ça nous fait trop plaisir les messages. À bientôt, mon gogo. Guillaume, tu pourrais me repasser Flo pour avoir une. Pourquoi gogo? Bah, je sais pas, on m'appelle Guigui moi, Guillaume. Ouais. Pourquoi pas gogo Gauthier? Non, mais attends, gogo. C'est le jeu à gogo. C'est le jeu à gogo. Ah, c'est marrant. Avec des 5 ans, mais bon, ça me va. Non, attends, c'est Mimi. Bah oui, c'est Mimi. Attends, ouais. D'ailleurs, on a fait une heure d'astrologie. Je me suis demandé, et Julia, qui est en stage là, ouais. Tu sors avec une nana, toi? Ouais, non, alors voilà, je sortais. Ah, c'est vrai? Non. Et ouais, non, mais oui, mais bon, c'est pas grave. Ça s'est terminé? Alors, attends, et c'est quoi son signe astrologique? Alors, elle était, enfin, elle l'est toujours, je crois. Elle est bélier. Elle est bélier? Ouais. Ah, et ben, Lion et bélier, c'est la plus mauvaise compatibilité. Ah, mais oui, mais c'est sûr. C'est exactement celle de mon ex aussi. Lion et bélier, ça ne tient pas. Toi, t'es lion et elle est bélier. Et elle est cassée les couilles et toi, t'as besoin de gens qui t'obéissent un petit peu. Ah, oui, non, mais bien sûr, exactement. Et il a dit que c'était les pires, les béliers. Ah ouais. Non. Mais c'est ceux qui réussissent le mieux dans les entreprises. Les béliers, c'est pas les pires. Les béliers, c'est les pires pour les lions et pour ceux qui ont pas compatible. C'est les pires pour, exactement, pour les lions. En même temps, toi, tu dois être une vraie petite teigne. Ah ouais. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Non, c'est vrai? Ouais. Avec ta nana? Ah ouais, ouais. Parce que Julia, elle passe de garçon aux filles et fait les deux. Hein. Ouais, c'est ça. C'est elle qui t'a coupé la chemise. Attends. J'ai une chemise ouverte. Avec les dents. Attends, et à cause de quoi du coup? Bah, à cause de. Exactement, je pense nos signes astrologiques, je crois que ça a joué beaucoup. Non, parce qu'on s'embrouillait et voilà. Et du coup, on avait deux caractères très. Vous deviez être mignonne en train de vous disputer. Ah ouais. Ça se crêpait chignon, ça, là-bas. Exactement. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 3 ans. Ah ouais, putain, quand même. C'est beau. Hein. C'est bien. Hein. Ouais. 3 ans, ça va faire bizarre, long. Du coup, de te retrouver seule. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, je respire un petit après peu. Après 3 ans. Ah, je respire. Oh là, c'est que ça s'est mal passé. Ah, oh, laissez-moi seule, parce que je vais trop t'emmerger. Tôt ou tard, les loups gautiers vont manger par berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis comme Fautier de Chalon sur Saône. Allez, vous bougez pas 30 secondes et on fait le jeu des faits divers. Bougez pas, les mecs. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Hey, salut, c'est Koé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire, Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Ninja Turtles 2. Il y a un robot samouraï, deux mutants et ce truc bizarre. Nous allons créer une armée. Nouvelle menace. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Nouveau défi. On s'arrache! Ninja Turtles 2. Accrochez-vous et retrouvez les 4 frères les plus cool maintenant au cinéma. Cowabunga! Vivez le Turtle Power en 3D. Avec énergie. Peggy 7. Quelque chose s'est réveillé. Lego Star Wars, le réveil de la force, réveillez le Lego, le héros qui est en vous. Rejouez le film avec Rey, Finn et les autres et poursuivez d'autres aventures inédites. Lego Star Wars, le réveil de la force, sur PlayStation, en magasin et téléchargement. Avec énergie, venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La 3e édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Reza, Willy Williams, Souf, Boussy, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Je peux vous dire quand ça commence, mais je peux pas vous dire comment ça va finir. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Oh, c'est bon, tu m'entends toujours, mon gogo? Mon gogo? Mon gogo? Oui. Mon gogo, mon godier? Ah. Ah là là, nous sommes ce soir en direct toujours. Bah oui, okay. Allô. On est en direct ce soir avec Gogo qui appelle Gauthier de Chalon-sur-Soso. Et ah, c'est horrible, hein, putain. Gogo et les gagas de Guigui. Il est Gogo et les gagas des Gogo quand ils vont au Guigui Club. Guigui Club. T'es déjà allé en boîte ou pas, mon Gauthier, 16 ans, toi d'ailleurs là? Ça m'est arrivé, mais. Moi, ah, t'as pas trop kiffé, hein? Bon, dis donc, ça lui est arrivé à Gogo. nous sommes ce soir en direct sur Radio Classique, exactement. Alors ce soir, mon assistante Brigitta n'est pas là, puisque c'était juste un stagiaire. Par contre, nous avons une autre assistante. Nous en avons plein, des assistantes sur Radio Classique, puisque nous sommes riches, nous sommes avec les impôts. Alors nous avons dans 100% Clacla, 100% Classique ce soir, nous avons la chance d'être avec Ernesta. Bonsoir Ernesta. Oui, bonsoir, je suis Ernesta, ravie d'être avec vous ce soir. Ernesta qui joue très très mal. J'essaie, c'est mes premiers pas. Beaucoup ce mieux. Sont mes premiers pas. Il faut être encore plus cucu. D'accord. Je vais y arriver. Nous avons aussi la chance d'être avec Philibert. Philiberta, pardon, qui est ma petite sœur. Dis bonsoir, Philiberta. Oui, bonsoir tout le monde, c'est Philiberta, enchantée. Voilà, nous sommes en direct ce soir sur Radio Clacla et nous allons parler d'un artiste méconnu dans la musique classique, Philiberta, ma petite sista. Alors effectivement, nous allons parler d'Helmut Kohl qui a fait un très très grand parcours en violon et qui a eu l'audace de jouer à Berlin en 1971, seul. Oh, seul, c'est-à-dire sans public. Il était seul devant 4000 personnes avec un violon et sans aucun microphone. Oh, on n'entendait rien quand on était derrière. On n'entendait que dalle. Merci. Vous avez fait s'esclaffer tout le public ici. Alors. Nous sommes en direct avec Gogo. Gogo qui appelle il est Gogo qui est fan de Gigi Lamoroso. Qui nous racontera ça. Il y a aussi Philippe Hutt qui est là avec nous. Bonsoir, je suis Philippe Hutt, bonsoir. Très contente d'être là. Vous avez le plus beau nom. Oui, Philippe Hutt, il est comme ça, On s'esclave. Arrêtez de rire, j'ai envie de vous casser la gueule. Ah, nous sommes sur Radio Clacla, Radio Classique. 21h minuit, que du rire, vous entendez? Nous sommes des tarés. Ah putain, c'est insupportable. Bravo, mon James Zanda. Ah merci Guillaume. Ah là là, très très beau personnage ce soir. Alors, bon, on surfe ce soir, on surfe sur le truc. Nous surfons sur le courant musical. Nous faisons du surf. Ah, comme Brice de Nice, il adore le surf. Vous aimez le sport, vous aussi, Philibertine? Oh, à mes heures perdues, de temps en temps. Mais vous faites quoi? Oh, je fais un peu trottinette à moteur. Ah, énervant. Avec mon petit fils qui me pousse. Merci beaucoup. Bon, Gauthier, il veut pas lâcher la tête. Ah, vous savez, moi, dès que j'ai quelque chose de drôle. Il est 22h59. Alors, bon, on va. Mon gogo, tu restes avec nous deux minutes pour le plaisir. Ouais, alors, non, là. Où sont passés les hommes? Les vrais font très résonnent. Où sont les hommes? Où sont la mort? Putain, c'est bien, tu connais bien, mon gogo. Ah ouais, t'es fan de Joule? Ah, c'est gentil, mon gogo. Ça fait combien de temps que t'écoutes, Googie? C'est quoi, arrive? Ça me dit en pire. Ça fait combien de temps que tu connais mon émission, en vrai? Je t'ai dit. Ah, mais t'as mytho tout à l'heure, c'était pour me faire plaisir, j'ai compris. Depuis ça, mytho demande, tu réponds. Voilà, merci, j'ai écouté tes émissions sur Google, elles sont dispo sur internet. Non, c'est vrai, oh putain. Elles sont dispo sur internet. J'ai maté une vidéo sur ta chaîne YouTube il y a longtemps où tu faisais la voix de Vita avec une application, c'est Vita. Ah ouais. Et du coup, je suis retourné chercher tes émissions sur Google et j'ai suivi. Putain, maintenant je me suis embourgeoisé. Avant j'étais obligé d'acheter un objet avec une pile 9 volts que je collais sur mon téléphone pour faire le son. À l'ancienne. À l'ancienne. Et maintenant j'ai directement le boîtier. Appelle-moi, faut que je te parle. Ah ouais, c'était. Attends, c'était quoi? Mélanie, attends. Non, Mel. Mel, assieds-toi. Mel, assieds-toi. Attends. Mel, assieds-toi. Attends, mais c'est quoi? Il me faut un petit écho. Attends, faut que je mette un écho. Oui. Mel. On dirait une chèvre. Mel, assieds-toi. Bon, ça marche pas très bien, mais enfin bon. Ah, c'est gentil. Alors, je vous explique juste, on va se faire un jeu des faits divers. Maintenant, Flo des cadeaux va nous raconter une dizaine d'histoires. Il faut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai besoin de deux d'entre vous tout de suite pour passer à l'antenne. C'est juste un vrai ou faux finalement. Bon, on s'amuse bien à chaque fois à faire ça, on rigole bien. Vous m'envoyez Guillaume et je avec votre numéro là, au 612. Si vous voulez le faire, JM du standard. Ouais. Elle va en prendre deux ce soir avec Flo des cadeaux. Ouais. C'est Flo des cadeaux ce soir qui fait le standard. Nous avons interverti toute l'équipe puisque c'est Guillaume Radio 2.0, même l'été. Julia qui est en stage chez nous et là à la place de Julien Stagia, il est pas tombé sur la roue, tous les jours on fait la roue. D'ailleurs, on n'a pas pris le gagnant pour demain. Ah, c'est vrai, Guillaume. Alors, je vous propose deux trucs. Petit tirage au sort. Déjà, Guillaume et je, avec votre numéro 612, juste le temps que Flo des Crado prenne l'un d'entre vous à l'antenne. Tout à l'heure, j'ai fait tourner une roue qui s'est arrêtée sur un auditeur. Tous les jours, je fais tourner une roue qui s'arrête entre 0 et 6. C'est le nombre de personnes qui font de la radio avec moi. Tous les jours, on va changer d'équipe de l'été. Et Guillaume, je suis trop chaud, moi. Et on a aussi mis les noms. Alors, attends, ça s'est tombé tout à l'heure pour faire réécouter le moment. On est tombé sur un auditeur. Donc, on va prendre le logiciel. Vous avez envoyé Guillaume et Radio avec votre numéro au 612. On va tomber chez l'un d'entre vous. Et ce l'un d'entre vous, bah, ça sera mon co-animateur de demain. Faut qu'il soit sympa. Juste de demain. Ah, mais putain, ouais. Imagine. Si c'est une tête de couche. Allô, allô. Oui. Oui, bonsoir. C'est Guillaume d'Énergie, ça va, mon con? Non, truc de fou. C'est quoi ton prénom? Julien. Salut. Ça, ça Bon bah c'est pas Julien stagiaire, ça sera Julien de... Tu viens d'où, Julien? Un truc de fou. Ah, on est tombé sur un fou, les gars. Ouais. On va te fouiller deux fois. Ah ouais, ça va, mon Julien de... Tu as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 28 ans, je viens de Houdan. Ah bah enchanté, non, mon gars. Ah ouais, c'est ah, putain, ouais. Bah ça va, c'est... T'as une voiture pour venir demain? Ouais. C'est vrai, tu connais... Tu connais Mission depuis quand? 3 ans à peu près, ouais. 3 ans, putain, c'est sympa, mec. C'est pas assez pour venir, je crois, Guillaume. Bah ouais, c'était... Non, c'est 6 ans minimum. Ah là là, faut une carte de fidélité. C'est son ancienneté. Faut être passé, ouais, c'est ça. Eh ben, vas-y, je viens. Tu te sens de venir avec nous ou on appelle quelqu'un d'autre ou c'était juste pour le délire de jouer? Oh, mais carrément, je suis trop chaud pour venir, ouais. Carrément. Attends, mollo. Ouais. C'est vrai. Il va arriver de te faire péter, là. Peut-être un peu trop chaud, là. Va manger. Il va manger à minuit du temps. Non. Ah, c'est sympa, mon gars. Tu travailles dans quoi, toi, Julien, du coup? Alors, moi, je fais de la logistique et là, je suis en recherche d'emploi dans la logistique. Dans la logistique? Eh bah, cool, eh. Eh bah, écoute, bienvenue demain, 21h minuit, tu seras avec moi, alors, et dans le studio. Mais c'est un truc de dingue, Guillaume, c'est trop. Mais c'est vrai? T'étais jamais passé à la radio? Mais non, mais jamais, et en plus, je savais même pas que voilà, le téléphone il sonne comme ça, mais c'est un truc de fou. Ah oui, ça marche hein, quand on dit d'envoyer des messages et tout ça. Là. Oh, mais c'est jusqu'au 15 au soir, on va faire ça, le système de roulette, donc il y aura d'autres occasions de venir faire de la radio avec nous, les gars. Ah oui. Jours. Peut-être même des fois, il y aura 6 d'entre vous avec moi, donc avec plaisir, on peut rigoler. Bah écoute, à demain, mon Julien, je te repasse Flo des cadeaux pour que. Ouais. On envoie une note d'accès, ça s'appelle à la sécurité en bas, pour que tu puisses accéder aux locaux demain de 21h à minuit, d'accord? Okay, donc, et on se rencontrera demain. Donc l'équipe de demain, du coup, ça sera JM du standard, Julien qui vient de Houdan dans le 78, Amina du standard, oui. Et Julia qui est en stage, yes. Et pas Flo des cadeaux. Eh ben, et voilà. Et ben, au placard. Ah ouais. Au placard. Attends, il pourra venir le lendemain. Ouais, bon, au cas où. Je serai pas loin. En tout cas, c'est un plaisir, mon Julien. À demain, mon gars. Merci beaucoup. Hein. Et ben, demain, merci. Je t'embrasse, poteau. À bientôt. À demain. Ouais, bonne soirée. C'est énorme. Et peut-être un jour, Gogo, Gogo tient son son. Gauthier. Gogo qui écoute de Jujujul. Eh, hey, tu sais ce que tu veux faire plus tard, mon gogo, ou pas? Ben, je suis passé pour te dire que je voulais être animateur radio et je voulais être, tu m'aides pour choisir Studio M ou Studek. Ah, c'est vrai, pour de vrai? C'était déjà passé, ouais, pour te demander ça. Ah ouais, putain, malade, tu me demandes de choisir entre la peste et le colère. Oh. Croisière avoir l'âge de glace, il y a ça au début. C'est la Fox. Énorme. L'âge de glace qui sort mercredi prochain. C'est mon anniversaire. Alors, t'as dit quoi? C'est mon anniversaire le 13. Ah putain, tu vois, y a pas de zazar. C'est pour ça qu'il sort à cette date. Hein. Oui, on l'a sorti pour toi, mon gars. Gogo, Gauthier, Inspecteur Gaga, Inspecteur Gaga pour Gogo. Voilà, Inspecteur Gogo. Et là, ça va pas. Oh là, je suis là. Inspecteur Gogo. Il vient de Chalon sur Saône du 7-1. Ça va être la joie. Bon, et en tout cas, mon gogo, avec plaisir. Tu veux des places pour aller voir l'âge de glace ou pas? Ah, carrément, ouais. Ah, vas-y, tu sais quoi, je suis hyper content. C'est la première fois que j'ai le droit de faire un doublage de voix comme ça. J'ai fait le nouveau Julian, là, le nouveau personnage qui va draguer la petite mammouthesse. Ah, petite mammouth. Ça, c'est beau, et je vais essayer de me faire. J'essaie de plaire à Gérard Lanvin, au mammouth, en fait, dans le film, parce que je suis avec sa fille. Voilà. Et tout le film, c'est ça. Vais-je arriver à le convaincre, voilà. on verra bien. Je fais quel numéro au début. Oui, c'est comme dans l'équipe en fait ça. C'est Calimero. Tu connais pas? Tu connais le dessin animé Tintin? T'as déjà vu le dessin animé Tintin? Ouais, la base. T'as jamais vu Tintin? Ah si, Tintin, si. J'aimerais le regarder. Bah regarde. Bah ouais, tu peux regarder. On s'en bat un peu les couilles. Soit tu le fais, soit tu le parles pas. C'est clair. Mais je suis d'accord, ça donne envie de regarder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mon gogo, je te repasse Flo des Cracras, d'accord? Ouais, ouais. Et je pourrais aussi avoir un petit peu de service. J'ai un petit poster dédicacé avec grand plaisir. J'en ai fait plein cet après-midi, ouais, j'en envoie tous les jours. Ça fait plaisir, les gars, merci. Il me restait 1200 autocollants. Energy nous a offert les timbres. J'ai dit, vous m'envoyez juste un SMS avec votre adresse complète, je vous l'envoie. Et on a eu 1236 SMS en une minute parce que j'avais pas plus d'autocollants. Et il y en a qui m'ont dit, on n'a pas reçu, c'est normal, on en a fait 450 en 3 jours. Et on en fait tous les jours. Et tous les jours, on vous en pose. Donc normalement, d'ici, allez, maximum mercredi prochain, vous aurez tous reçu les autocollants à la maison. Je compte sur vous pour les coller dans un endroit original et prendre en photo et me le mettre sur Twitter. Avec plaisir. Je t'embrasse, mon gogo. Ouais, salut. C'était un plaisir. Et non, alors dans la vanne, Studio M ou Studec, c'est les deux écoles de radio. Moi, j'ai fait Studio M à Montpellier. J'ai un stagiaire, lui a fait Studec. Ouais. Y a pas de bonne ou de mauvaise école. Il y a des bons ou des mauvais élèves. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que moi j'étais mauvais élève, j'aurais été au Studec, j'aurais été mauvais élève aussi. Toi. Ouais. Chacun sa route, chacun son chemin. Quoi. Merci, Amine. Non, mais en vrai, moi je suis complètement fan de radio et je suis allé faire des stages et j'ai appris sur le tas. J'aurais été dans n'importe quelle école, ça aurait été pareil, tu vois. Et j'ai appris plus avec D-Fool qui m'a recruté à l'époque sur Skyrock, qui m'a formé, qui m'a donné des conseils. J'ai appris plus avec D-Fool en 15 minutes qu'en un an de Studio M ou quoi. Ouais, t'apprends plus avec des conseils de mecs dans le business, de l'expérience, tu vois, qu'avec des écoles. Mais c'est vachement bien d'être dans les écoles quand même parce que t'as des conventions de stage et tout. Ouais, quoi. C'est pas l'école qui fait l'animateur, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi maintenant, un de mes meilleurs potes sur Chalon, c'est l'anime d'Energie en Saône-et-Loire. De quoi ? Un de mes meilleurs potes sur Chalon, c'est l'anime d'Energie en Saône-et-Loire. Ah, c'est vrai, ouais. Du coup, tu l'as eu en stage, c'est Léo. Léo, oui, Léo, ouais, ouais. Énorme, ouais. Qu'on adore. Léo qui est venu nous voir à Toulouse. Grave, je vois très bien. On lui fait une grosse bise. Il est très très gentil, ce garçon, en plus. Ouais. Là, hein. Ouais, tu vois, il est venu nous voir en stage et il était bon et maintenant il a du boulot parce que quand t'as envie de bosser, t'y arrives. Ouais, il y a une telle pénurie d'animateurs radio que t'auras du taf si tu bosses, c'est vrai. Hein. Ah, les gens ils se rendent pas compte, mais ouais. Bah si, ils se rendent compte, la preuve, ils ont envie d'en faire, etc. Ouais, faut venir. Et non, mais c'est vrai, franchement, il y a du. Pourquoi faut venir? J'aime dire un propriétaire de club échangiste. Faut venir. Hein. Non, mais c'est un super métier et on se marre vraiment beaucoup et c'est magique. Et si un jour moi, mes enfants ils veulent faire ça, je les inciterai grave parce que c'est rigolo quoi. C'est vrai, hein. En fait, il faut juste qu'ils aiment ça, tu vois. Faut juste que t'aimes ça, toi. Si t'aimes ça et que ça te fait kiffer, faut que tu fasses. Bah voilà. Après, faut pas faire un métier qui te fait pas plaisir, tu vois. C'est tout, hein. C'est pareil partout, hein. Ouais, c'est normal, ouais, bah. Faut vraiment que tu te fasses. J'ai pas fini ma phrase, mais ça va. Non, bah y a pas de problème. Tu sais, tu peux faire des bouts de phrases, moi je comprends. Ouais, Et j'ai cette compréhension sans problème. Bon, je t'embrasse, mon gogo. Je te repasse Flo des cadeaux. La bise, Guigui. Allez, ciao. Ciao. Salut. Bon, c'est les derniers. Vous aurez entendu le dernier à m'appeler Guigui au monde. Ce soir et à partir de maintenant il y a une blacklist qui va s'opérer sur Energy où je ne ferai plus jamais passer le mec avec Gogo. Les cartons rouges immédiats évidemment. Ça va Julia qui est en stage à la maison? Ça va super. T'attends qu'on parle de cul toi, je le sais. Je le sais. T'attends qu'on parle de cul parce que elle est plus avec sa combine. Ça te fait quoi alors? Tu m'as dit t'avais qui c'est qui a pris la décision? Toi tu es bisexuel pour expliquer parce que tu es une nana, c'est pas Julia un stagiaire, c'est Julia qui est en stage. Voilà, c'est ça. Jusqu'à l'été, t'as plus de voix ma Julia là. Non, si, bien sûr j'ai toute ma voix. Pour parler de ça, j'ai toute ma voix. Non mais t'as perdu. Tu perds ta voix un peu là, non? J'ai déglutti quand tu m'as parlé. Vas-y, règle ta gorge, je coupe le micro. Vas-y, règle ta gorge, vas-y. Non, mais c'est bon, pas de soucis. Non, mais l'autre, j'ai déglutti. Ah ouais. Mais toi, t'es une vraie bourrine. Hein. On parle de glaire, normal. Je vais droit au but. Elle est marrante, cette nana qu'on a en stage, parce qu'elle est hyper bourrine, beaucoup plus bourrine limite que nous. Ouais. Et pour faire plus bourrine que JM du standard, fallait vraiment. Ouais, fallait vraiment la chercher. À la pêche, quoi. Ouais. Et c'est qui a pris la décision de s'arrêter avec ta copine alors là? Bah, vu mon ton, c'est elle qui a décidé d'arrêter. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis très énervée. Ah, c'est vrai? C'est elle qui t'a largué? Il y a 10 jours, ouais. Ça oh la con. connasse. Ouais, ouais. Après 3 ans et tout de haut et bas, c'était ma première copine. Ouais. C'était ma première fois avec une fille et tout. Ouais. Et voilà, ça fait 10 jours que c'est fini parce que nos caractères étaient trop s'entrechoquer. Ouais, c'est trop compliqué quoi. Voilà, c'est ouais, ça. 3 ans, je crois que c'est la durée d'un couple. Après, il y a moins la flamme quand même. Ouais, bah oui, oui. Et qu'est-ce qu'il faut, le problème, c'est comment tu fais pour construire ta vie avec des relations de 3 ans quoi. L'amour dure 3 ans, il paraît. Ouais, mais bon, après c'est compliqué de rester. Non, mais c'est vrai, ouais. De rester avec une fille si tu l'aimes plus. Ouais. Voilà. Non, mais on s'aime, mais c'est nos caractères, quoi. C'est qu'on sent, il y a trop de et, haut et de bas. Et elle a rencontré. Elle est bi ou elle est. Écoute, on est les premières pour les deux, donc on sait pas ce qu'on est vraiment, mais je pense qu'on est bi toutes les deux. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ah, tu sais pas si elle va se remettre avec un mec ou avec une fille. Je pense qu'elle va se remettre avec un mec, avec des filles. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a plus de préférence vraiment, toutes les deux, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Vous tapez dans le tas, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Et il y a 7 milliards, Guillaume. Ouais, c'est ça. Moi, je peux m'en taper 6 milliards. bon, bah, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Vous voulez venir faire de la radio avec nous ce soir jusqu'à minuit, hein. Il est 23h11. On va s'écouter dans 2 minutes, Môme. J'avais promis depuis tout à l'heure. On se fait Soprano aussi, là. Et juste après Soprano, on prend deux d'entre vous. Vous m'envoyez Guillaume et Jeux avec votre numéro 612. On fait le jeu Flo des cadeaux. Ouais. Tu vas nous raconter 10 histoires. Il faut savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. C'est le jeu des faits divers après Soprano. On se fait les diables de s'habiller en Prada sur Énergie, là. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. fais sur Énergie. Il y a Gabi qui vient d'appeler au standard et Alexis, bonsoir à tous les deux là. Gabi et Alexis, vous m'entendez? Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Bonsoir les gars. On a pris deux d'entre vous pour venir faire de la radio avec nous ce soir. On s'amuse à faire le jeu des faits divers. D'un côté, Gabi Saint-Nazaire, 25 ans. Enchanté mon Gabi. Salut tout le monde, salut, salut. Enchanté, pareil. Ça va gars, enchanté. Je te présente JM du standard. Salut mec. Amina du standard. Salut JM. Flo des cadeaux. Salut. Avec moi. Et salut, Julia qui est en stage avec nous jusqu'à l'été. Hello, hello. C'est B2O. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ah merde! Ah, il y a un problème de son. Putain, j'ai un problème de son. D'ailleurs, je voulais envoyer B2O, ça envoie un rire bizarre. Ah merde. Ça envoie un rire de vieux monsieur chaud. De vieux monsieur qui va te manger. Vas-y, je te le fais, moi, le rire bizarre, si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est à peu près ça. C'est un peu ça en plus. Ah, c'est un peu t'es au bar quoi. Ouais. T'es au bar et tu sors une grosse blague de cul. Ah, c'est ça, c'est vraiment. Ouais. C'est vraiment la vie. Oh putain de merde. Bon, alors, Gabi qui est là d'un côté, 25 ans, Saint-Nazaire, RPZ, hein, Saint-Nazaire d'ailleurs, et tout leur Atlantique. Et de l'autre côté, tu m'as dit que tu sais quoi dans la vie, mon Gabi? Je sais pas si je peux dire. Je suis militaire. Ah ouais, on va dire ça. Bah c'est pas grave, hein, bah oui. Tranquille. Hein. À moins que ça soit. Ouais, je suis gendarme. Ah bah voilà. Moi, j'allais dire à moins que ça soit un truc secret défense, genre DGSI, DGSE. Ouais, ouais. Ou ça, ouais. Non, vraiment, non. Genre le bureau des légendes, hein, comme la série sur Canal Plus. Voilà. Ou les légendes, en fait, c'est une légende, ça veut dire c'est une histoire. En fait, je suis un des quatre fantastiques, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah ouais, non, mais je comprends. Ouais. Un bouclier. Et d'autre côté, Alexis qui est là. Enchanté, mon Alexis. Ouais. Ça va, mon gros? T'as 13 ans? Ouais, j'ai 13 ans, bientôt 14. D'accord, ok, de Oudemont, dans le nord-est, hein, représente. Hein. Elle représente. Elle représente le 54. Hein. 54, ouais. Ouais, ça fait plaisir, dédicace à tout le monde. Ouais. Bon, et Alexis et Gabi, chacun votre tour, je vais vous demander si vous dites que c'est vrai ou faux. Flo des cadeaux, tu vas nous raconter une histoire, il va falloir deviner si c'est vrai ou si c'est faux l'histoire. C'est des histoires de meurtre. Aujourd'hui, c'est quoi le thème? Alors, c'est un All-Star, un best-of, j'ai pris toutes les histoires de All-Star. Vous allez voir. Non mais ça y est, je la raconte. Non, vous allez voir. Une de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des chats dans la gage, on va changer de paysage. J'étais dans la lune, pied sur terre, je vois des oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien, je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne, est-ce que la musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les lisonne. J'envoie des sons pour venir sur la mort. Ah là là, bon en tout cas, ce soir Flo des cadeaux nous fait un all-star comme il dit. Le meilleur des meilleurs. Non vous mais c'est bien voir. Parce que on a fait le thème des femmes, le thème des pays en particulier, le thème des animaux, le thème des voilà. Et là ce soir, voilà. Le meilleur des meurtriers. Le meilleur. De... Non, ouais, si on peut dire. Bon, le all-star, c'est à dire quoi? C'est les histoires les plus ouf. Ouais, c'est les plus ouf. C'est vrai? Vraiment, c'est des trucs. Ah de ouf. Mais ça peut me plaire. Alors, je vais demander à Gabi ou Alexis, il y en a un des deux qui fait quelque chose en même temps. Ça fait un peu de bruit au standard, de faire gaffe parce qu'on entend tout. À l'antenne, s'il y en a un qui est. Ouais, Gabi, t'es en patrouille là, t'es gendarme, tu disais? Non, je suis en vacances, moi je suis sur le bord de la route avec ma nana, on s'est arrêté là. Ah, énorme, vous êtes où? On est où? On est à Le Rouillène. Le Rouillène, et vous partez où? On rentre à Saint-Nazaire. Ah, d'accord, très bien, retour de vacances, vous étiez parti où? Non, on était au week-end chez elle. D'accord, ok, très bien, petit week-end à la maison. Eh ben, Flo des cadeaux, première histoire, je vais mettre une petite musique. Et après, c'est à toi de raconter l'histoire. Attention, c'est parti, on t'écoute. Alors, ça s'est passé à Ho Chi Minh, au Vietnam. C'est un homme de 38 ans qui était alcoolisé et qui a forcé sa fille de 8 ans à l'égorger. Il l'a menacée avec un couteau et du coup, il l'a forcée à l'égorger lui. Elle est sortie dans la rue remplie de sang et c'est pour ça que les voisins ont appelé les secours. Et en fait, le mec était en dépression depuis que sa femme était décédée dans un accident de voiture. Et il est décédé? Oui, sa fille, il a forcé sa fille à l'égorger. C'était en quelle année? C'était en novembre 2012. Novembre 2012. Gabi, vrai ou faux? Ouais, je vais faire confiance à ma copine, c'est faux. C'est faux? Ah, elle est dans la voiture là, elle te dit oui ou non, c'est ça? Ouais. Ah, c'est énorme. On joue à deux. Et toi, Alexis? Ouais, je dirais plus que c'est vrai. Toi, tu dirais que c'est vrai cette histoire? Vrai d'un côté, Alexis, faux de l'autre, Gabi. RIP routier décédé sur la 43 aujourd'hui. Brian du 73, gros bisous à la Savoie. Gros bisous à vous, les mecs. On vous embrasse très fort, RIP à lui, évidemment. Ouais. Et dédicace à tous les routiers qu'on aime très fort et qu'on embrasse. Voilà, gros bisous, les gars, on est big ensemble. Up, big up, big up. Amina du standard, est-ce que. Il y a une mobilette qui passe là. Est-ce que tu dirais vrai ou faux, Amina du standard, l'histoire? Je pense que c'est vrai, ouais, c'est possible. Je vais essayer de faire un sans faute ce soir. Tu penses qu'il va commencer fort exprès?

comme l'été. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Bonne nuit tout le monde. Guillaume Radio 2.0. Nous sommes en pleine émission ce soir et en pleine émission et en plein jeu comme tous les lundis avec Flo Descadeau qui nous raconte des histoires. Il faut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est des histoires de meurtre aujourd'hui. Alors, comme il nous a dit si modestement tout à l'heure, c'est un all-star. c'est un best-of. Enfin, c'est vraiment. Non, pas un best-of parce qu'on les a jamais faites, celles-là. Non, jamais. C'est vraiment toutes les histoires les plus hallucinantes. D'habitude on fait genre une spéciale Belgique, une spéciale Afrique, on a fait des thèmes. Attends mon Gabi, parle plus mon gars, t'es à la radio, ça y est, t'es de retour. Alexis aussi. Les garçons les deux. J'étais en plein bécotage. Ah, ça va, vas-y. Le petit gendarme canard là. Fais comme si on n'était pas là. Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine toi Gabi? Ça fait 9 mois. Ah ouais, donc ah ouais, c'est encore un petit peu tout feu, tout flamme. Ah ouais, c'est tout feu, tout flamme, tout pimpant. Je suis un gros canard, moi. Ah, mais c'est bien, t'as raison d'assumer. Mais faut être. Mais non, mais c'est clair, attends. On est tous des canards quand on est amoureux. Bah, c'est pas la classe d'être un bâtard non plus. Ah, mais hein, c'est clair. En vrai. Ah, moi, je suis un gros fils de pute. Bon, hey, mon Gabi, t'as marqué un point. Alexis, 0. On a fait qu'une seule question. On passe à la deuxième. Est-ce que vous êtes prêts? Alexis, t'es prêt aussi? Allez, ouais, ouais, je suis prêt. Allez, je te mets une petite musique. Mon Flo Descadeau. Ouais. Et c'est parti, quand tu veux, tu nous racontes une deuxième histoire de meurtre. Alors, ça s'est passé en Russie cette fois, c'est à Bashkortostan. C'est deux hommes alcoolisés qui ont fait un concours de taille de bite. Et en fait, celui qui avait la plus petite a été vexé, du coup, il a assommé son ami. Il lui a découpé le sexe et c'est les voisins qui ont appelé la police à cause des cris de douleur de l'homme. L'homme qui s'est fait couper le sexe est toujours à l'hôpital. Gabi. Ah, et moi je dis c'est vrai. Alexis. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé en juin, le 6 de cette année. Il y a un mois, quoi. Ouais. Ils ont fait un concours de bites, il y en a un qui a une plus petite que l'autre, qui a coupé celle du plus grand. Il était vexé. Ouais, c'était en Russie. Tu dirais vrai ou faux, toi, Alexis? Ouais, je dirais quand même vrai. Tu dirais que c'est vrai. Bon, moi je sais que c'est vrai. Mon Flo Descadeaux, la réponse est... Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, pareil. Ah, j'ai laissé voter les deux joueurs. Ouais, voilà. On s'en fout, c'est juste que. Voilà, c'est juste que bon, moi je le savais, JM du Standard, de temps en temps on regarde les insolites ensemble, on regarde des trucs un petit peu ouf qui sont passés sur Terre. Amina du Standard, tu le savais aussi? Non, je savais pas, j'allais dire vrai en parce plus. Parce que parfois tu m'aides un petit peu pour trouver c'est des vrai trucs, donc je pensais que tu le savais aussi. Julia qui est en stage, tu sais pas? J'allais dire faux, tu découpes pas la teub de ton pote pour. Si. Non, non, mais après, faire des concours de taille de bite bourrée, moi ça m'étonnerait pas que j'ai des potes qui en aient déjà fait. Hein. Ouais, j'ai déjà sorti, vous voulez que je vous raconte un truc, j'ai jamais raconté. Ah, vas-y. Non, non, j'étais chez un collègue et il avait un truc pour mesurer le diamètre de la teub. C'est une blague. Et du coup, on a tous mesuré la taille de notre teub. Ah ouais, ouais. Un rond de serviette. Exactement comme un rond de serviette. Ouais, bah oui. Mais c'était une règle et en fait, c'était un trou pour mesurer la taille de la teub. Et t'avais plein de trous. Et en fait, genre, c'était un truc qui se devait faire un mètre et voir jusqu'où tu pouvais rentrer ou pas. Ouais, c'est marrant à faire. Et c'était une fille qui nous mettait une copine. C'est une fille qui nous passait et nous touchait pas la bite. C'est mais quoi, genre, cette soirée? Elle nous attrapait. Non, mais c'était sympa les soirées. Non, mais on était un petit peu alcoolisés. Voilà. Et en plus, il fallait bander pour. Donc c'était fragile. Ouais. Tu sortais ta top devant tout le monde. Mais ça, je l'ai fait. D'accord. C'est bon. C'était une fois, quoi. Voilà. Non, j'aime du standard. Jamais mesuré entre potes comme ça. Non, entre potes, non, je la sors naturellement. Amina du standard, elle a la même chose mais avec plein de godes et plein de mesures. Le dernier qui entrera exactement, voilà. Le dernier qui fera la chaise de terre. Une sorte de grotte. Voilà, une sorte de grotte. Sa main, c'est l'outil de mesure. C'est drôle ça. C'est tout, gars. Elle mesure, elle met une sonde à mettre le standard. Bah oui, oui. Ouais. Elle a une sonde à spéléo et le fout dans sa grotte. Exactement. Et voit quand ça fait plouf et ressort, quoi. Voilà. Avec une GoPro, c'est génial. Et voit le nombre d'échos qu'il y a pour mesurer la quantité. Alors, Gabi et Alexis, pour l'instant, vous avez chacun marqué un point, donc du coup ça fait 2 pour Gabi, 1 pour Alexis, et on continue avec une troisième histoire. Flo Descadeaux, s'il te plaît. Alors là c'est en Australie, c'est un homme de 21 ans qui s'est filmé en train de manger un pneu pour faire le buzz. Il a réussi son défi, il a mangé tout le pneu, sauf qu'il a été admis tout de suite à l'hôpital parce que son état s'est dégradé. Il est mort là-bas et la famille n'a pas publié sa vidéo. Et c'était quand ça? C'était en novembre 2015. En novembre 2015, il a mangé un pneu? Ouais, pour faire le buzz. Un pneu de quoi? De vélo? Non, un pneu de voiture. Et c'est au moins 10 kilos de caoutchouc. C'est hyper lourd un pneu de. Et il s'est filmé. Il a du fer en plus. Il est allé à l'hôpital direct et il est décédé là. Il y a tout ce qu'il faut pas. Gabi, vrai ou faux? Moi je dis c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai, mon Gabi. Alexis? Ouais. Ah non, moi je dis que c'est faux. C'est toi qui dis que c'est faux. Gabi, c'est toujours ta meuf qui commande ou c'est ton idée à toi? C'est toujours. Ah, oh là là, passe-nous là directement. On joue avec elle. Oh le suceur, oh, oh putain. Posez-les un peu. Oh. Suceur d'idée. Posez-les. Gabi, tu dis que c'est vrai. Alexis, tu dis que c'est faux le pneu. Non, c'est trop tard. Amina du standard. Non, je pense que c'est faux. C'est faux. Il aurait perdu son chico. Ouais, je vais dire vrai moi. Tu peux pas mordre du caoutchouc comme ça. Julia qui est en stage chez nous. Je vais dire vrai, il y a trop d'histoires bizarres sur internet. Bah moi je dis c'est faux aussi. Non toi tu te casses toi, c'est ta niche. Écoute, je dirais que c'est faux Flo des cadeaux. Mais oui, ce faux. Soir. Et la réponse star, hein. Est. Et la réponse star. Est. Non c'est faux. Ah ouais, quand même. Putain. C'est vrai. J'avais dit que c'était faux. Tu peux t'engueuler avec ta meuf. Ah ouais. Fais gaffe, c'est pas les amours, hein, c'est pas. Alors, 2 points pour Alexis qui revient à la charge, avec 2 points pour Gabi. Tu sais comment j'ai su que c'était faux, moi? J'ai su que c'était faux parce que j'y réfléchis, voilà. Ouais. Et j'ai compris que c'était faux. Parce qu'en fait, c'est gros, non, non, mais ça passe. Non, non, en fait, je vous explique, un pneu, pour ceux qui ont déjà vu un pneu de voiture, c'est 10 kilos de caoutchouc. Non, non, mais à la limite, découpé en truc. Mais en fait, à l'intérieur, il y a des cordes de fer. Ouais, mais non, et donc, ça, les dents. Non, mais ah, ça me fait mal. T'as plus de chico. Ça donne envie de vomir, rien d'y penser, quoi. Mais donc, c'est impossible, tu vois ce que je veux dire. Il y a un mec qui mange du métal. Et qui a bouffé un avion entier en 2 ans. Mais non. Non, oui, ça non, c'est mais, vrai. Non, pour non, mais, ça, c'est d'accord, pour non, mais il se met des petites capsules de. Et, il a mis 2 ans le bouffer. Mais ça ressemble pas. Oh, un avion. Un avion. Ouais. Ah, faut arrêter là. Mais franchement, c'est la fin du monde. Non, mais c'est la fin du monde. Mais moi, c'est ces gens-là, et qu'ils fassent une télé-réalité, je veux dire. Mais s'ils veulent être connus, ils ont aucun talent. Va pas bouffer un avion, gros. C'est un putain de secret en plus. Tu manges un avion. Tu manges un avion. En plus, je veux dire, on se fait chier à bouffer du bio, du machin, le mec qui mange. Ah ouais. Oh là là. C'est des valeurs nutritives là. Il a dû manger autre chose. Ah ouais. Ah là là là là là là. Bon, en tout cas, ce soir, il y a Gabi et il y a Alexis. Ils sont deux, hein. Du coup, Flo des cadeaux, on t'écoute pour la question suivante. Alors là, c'est en Suisse que ça s'est passé. C'est des pompiers qui sont intervenus dans une maison à cause d'une fuite d'eau. Et en fait, dans la cave, ils ont découvert un matelas, une caméra et des médicaments. Et en fait, sur les films, il y avait des femmes en train de se faire violer et torturer. Et dans sa cave, il avait aussi 650 plants de bœufs. Et en fait, il avait mis une alarme autour au cas où il y a des intrus. Donc, quand les pompiers sont arrivés, ça a sonné. Il est rentré chez lui et il s'est fait arrêter. J'ai pas compris la différence entre des plants de bœufs et des trucs de torture. En fait, il avait 650 plants de bœufs dans sa cave et une pièce où il avait une vidéo avec un matelas et des vidéos de femmes qui se faisaient torturer et violer. Et j'ai pas compris que le matelas, il les faisait chez lui. Oui, ouais, il le faisait en direct dans sa cave. D'accord. Ah, il torturait en fait, voilà. Mais il est tué. Il les tuait, il les violait et il les torturait. Combien de femmes il a tué? J'ai pas le nombre. D'accord, et il aurait fait combien de vidéos avec des femmes? J'ai pas le nombre non plus. T'as pas le nombre? Mais il y en avait beaucoup. Il aurait torturé des femmes et 650 plants de bœufs. Voilà, il avait mis une alarme pour protéger ses plants de bœufs et quand les pompiers sont arrivés, ça a sonné, il est rentré chez lui et il s'est fait arrêter. Mais il était où? Il était pas chez lui, je sais pas. D'accord, okay. Gabi. Allez, on dit que c'est vrai. On dit que c'est vrai. Alexis. Ah, moi je dis que c'est faux. Toi tu dis que c'est faux. Alexis, tu restes sur le faux. Jim du standard. C'est faux. Pourquoi les pompiers? C'est les flics qui seraient arrivés. Ouais, j'en sais rien. Franchement, toi tu dirais que c'est faux. Ouais, faux pour moi. Ouais, Amina du standard. Non, faux, on dirait Barbe Bleue. Faux, Julia qui est en stage. Faux, complètement faux. 650, je sais pas, ça me paraît énorme sur des hectares, moi j'imagine. Ah, ça c'est possible par contre. Ouais. Ah, c'est possible. Ouais, dirais... Écoute, moi je vais dire que c'est faux encore, Flo des cadeaux. Eh ben c'est vrai. Ah merde! Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Putain, il y a eu un attentat suicide à Médine, dans la ville sainte. C'est fou, hein. Ah ouais. Là, ça vient de paraître. Arabie Saoudite. Attentat suicide dans la ville sainte de Médine. Ils se sont fait péter carrément dans le sanctuaire. Attends, on va juste reprendre. Ouais. Ça a coupé, mon Gabi. On a eu un problème de standard. Putain, c'est dingue ça. Perso, j'aurais mis. Non, c'est tu m'entends? Ouais. Allez. C'est le réseau, ça ne passe pas, c'est mauvais. T'inquiète. T'es tendu, si je te dis pas entendu, t'as pas entendu. Allez, vas-y, on continue. 3 pour Gabi, 2 pour Alexis. Et on continue maintenant avec une autre histoire de tueur en série. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On parle de cul après. Alors là, ça s'est passé au Texas, à Austin. C'est une femme de 28 ans qui s'est masturbée avec le pistolet de son mari. Sauf que le pistolet était chargé et que le coup est parti. C'est le mari qui a entendu le coup de feu qui a amené sa femme à l'hôpital et elle est décédée là-bas. Bon, t'as entendu, chérie, tu ne touches pas au pistolet. Alors Gabi, tu seras dans un jingle du coup. Ah ouais, bon, ah oui. Attends, vas-y, on y va. Flo des cadeaux. Et il s'est masturbé, c'est où? À Austin, au Texas. À Austin, au Texas. On va demander à Alexis en premier maintenant. Ok. Ça m'a l'air bizarre parce que quand tu... Ouais, non, je dis que c'est encore faux. Tu dirais que c'est encore faux, t'as raison Gabi. Enfin, t'as raison de dire ce que tu penses Gabi. Gabi, bah, il va demander à sa meuf. Attends, je visualise le pistolet. Je visualise la taille. Je visualise l'achat de ma femme. Je me dis que c'est possible. Voilà. Non. Si je te dis ça rentre, ça rentre. Ah ouais. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai ou pas? Faut que tu me donnes une réponse, mon Gabi. Bon. Bah, je dis c'est faux. C'est faux. Amina du standard. Ouais, masturbé avec le gun. Le coup ne part pas tout seul. JM du standard. Non, moi je vais dire peut-être qu'après, c'est possible que ça parte avec la gâchette en s'enfonçant et l'appui. Ah, parce que c'est un délire, l'amour du risque ou quoi. Non, mais se rendre le truc, la gâchette, elle est dehors, au niveau du clito. Oh là là, t'imagines un coup de feu dans la chatte, c'est horrible. Oh mon dieu. Non, mais c'est la fin du monde pour une fois. Horrible, horrible. La balle, elle remonte à l'intérieur. Là, ça arrive jusque dans la tête. Si c'est un gros calibre. JM du standard. Ah oui, là t'es mort 10 fois, hein, ça te prend à tous les organes. C'est un déchet. Non, je dis faux, c'est pas possible. Tu dis c'est faux? Elle est morte la femme? Oui, elle est morte. Elle est morte, Julia qui est en stage. Moi je pense que c'est vrai, ça peut être excitant, je pense que je peux, c'est vrai je peux comprendre. Alors moi j'aurais dit vrai, mais je vais vous dire pourquoi je vais dire faux. Je vais donner un argumentaire. Parce que, comme par hasard, il a pris la ville où il y a le plus de problèmes par armes à feu, Austin au Texas. C'est vraiment la ville des armes à feu. Et je me dis, un accident d'armes à feu, ça peut arriver partout. T'as pas besoin d'être. Il y a beaucoup d'armes à feu en France. Oui. On est le pays en Europe où il y a le plus d'armes à feu. Il faut le savoir, devant les pays de l'Est et tout ça, avec les chasseurs, on a le plus d'armes à feu en Europe. Et pourquoi, comme par hasard? C'est un peu comme si tu disais. Je sais pas, alors, bon, un autre cliché, mais voilà, il est monté. Il a pris la cocaïne. En Colombie, tu vois, il n'y en a pas que là-bas. C'est pas moi qui ai choisi. Eh ben, c'est pas grave, Flodé Calo. Ou c'est peut-être toi qui as choisi, c'est un mytho. Et l'histoire? Non, c'est faux. C'est pas toi qui choisis. C'est bon l'amour, tu peux jouer avec le pistolet. Alors, je suis bon ou pas, Flodé Calo? Bien joué, bien joué. Ouais, alors, très bien. Alors, 4 points pour Gabi, 3 points pour Alexis. Ah, c'est serré, hein. Ça se précise et on continue avec une petite dernière. Un avant-dernier. Vas-y, Flo des cadeaux, on t'écoute. Ok, alors là, c'est en Russie, ces 3 étudiantes qui ont déterré le cadavre d'une femme de 84 ans. Elles l'ont amenée dans le dortoir, elles l'ont décapitée, elles ont coupé ses doigts, elles ont fait bouillir le tout. Elles voulaient utiliser le crâne comme un cendrier et les doigts comme des runes pour lire dans l'avenir. C'est les autres étudiants qui ont senti l'odeur qui ont appelé les secours. Et les filles ont été condamnées à 3 ans de prison. C'est où ça? En Russie. À Novocherkassk. Novocherkassk, ils veulent faire de la tête en cendrier à Novocherkassk. Ouais. C'était quand ça? C'était en octobre 2015. En octobre 2015. Mon Gabi, tu vas répondre en 2 minutes. D'abord Alexis qui répond en premier. Ça m'a l'air faux quand même. Ça t'a l'air faux, hein. Toi tu dis t'es plus vers le faux. Gabi, vrai ou faux? Moi je dis que c'est vrai. Toi tu dirais que c'est vrai. Amina du standard, ouais, ils ont pris une grand-mère, ils l'ont déterré. Ils ont fait bouillir sa tête. Ils ont fait bouillir sa tête pour en faire un cendrier. Non, je pense que c'est faux. Il a parlé de l'odeur, c'est pas possible. Si tu l'as déterré, je pense que ça sent plus, enfin. J'imagine. Ça sent plus? Ouais, je pense, non. Si elle a ce squelette, ça fait 10 ans qu'elle est morte. Ça fait 10 ans qu'elle était morte? Non. Admettons. J'ai jamais dit ça. Non, elle avait 84 ans, elle était morte depuis pas 10 ans. Très bien. JM du standard. Vrai. Tu dirais que c'est vrai? En décomposition, c'est fou. Julia qui est en stage. Je crois que je suis d'accord avec Amina, je crois que c'est faux. En fait, j'aurais dit vrai et je vais dire faux parce que là t'étais. Non, c'est pas vrai, ouais, j'ai pas dit ça. Et à chaque fois quand t'es trop en train de te débattre comme un petit poisson dehors de l'eau, et ben tu te trompes, Flo des cadeaux. Et ben la réponse, je vais dire faux aussi. Ah. Moi j'ai dit vrai. Bah c'est vrai. Non mais en en plus, à chaque fois que je suis à Mina du Stand Up, elle m'emmène dans le gouffre. Et à chaque fois qu'on fait des équipes, elle emmène tout le monde dans le gouffre. Oh, ça va. C'est un désolé. Porte-merde, non, non, non, non, non, non, non, ça va pas. Quand même. 5 points pour mon Gabi et 3 points pour Alexis. Allez, une dernière, Flo, des cadeaux. Mais en plus, quand t'as dit des runes, ou je sais pas ce que t'as dit là. Oui, elle voulait utiliser les doigts pour s'en servir comme des runes pour lire l'avenir. Parce que c'est des runes. Bah, tu sais, c'est des petits, normalement des petites pierres avec des signes dessus que des tu allumettes. Jettes. Ah oui, d'accord. Okay. Et qui te servent à je me suis dit, et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'il sort ce mot-là de nulle part. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'aurais dit vrai au départ. Mais il a sorti d'Harry Potter. Et après, j'ai suivi le diable à Mina du Standard. Et j'ai eu faux. Attention, on continue. Alors là, ça s'est passé en Australie. C'est une mère qui a eu un accident de voiture avec sa fille et son petit garçon de 16 mois. Et en fait, le crâne du petit garçon s'est détaché de sa colonne vertébrale. Sauf que les nerfs n'ont pas été sectionnés. Donc en gros, les médecins ont réussi à ressouder son crâne à sa colonne. Il a porté on un... On va en faire une autre, on va en faire une autre. Ah bon ? Trop récent sur tous les sites de buzz encore aujourd'hui. C'est trop chiant, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle est décapitée, presque décapitée. Ouais. Là, on peut dire la réponse. Ouais. Donc c'est vrai. Hein, ouais, on l'a vu partout sur les sites. Là. Vraiment, là, il faut pas que tu fasses dans le trop frais. Hein. Non, mais en fait, c'était pas frais à l'époque où je l'ai écrit. Et c'est ressorti là, il y a pas longtemps. C'est vrai ? Ouais. Ah, t'avais... Moi, je vais dire que c'est vrai. Et ben toi, tu vas te faire foutre. Vas-y, on continue. Fais les cadeaux, une petite dernière. Une petite dernière corsée, quoi, tu vois. Ok. Alors là, ça s'est passé en Ukraine, à Ternopil. C'est une femme célibataire de 34 ans qui est allée chez son médecin parce qu'elle avait une infection au niveau de la poitrine. Et donc, du coup, elle a avoué à son médecin qu'elle portait en pendentif le fœtus de sa fausse couche qu'elle avait faite 13 ans auparavant. Et c'est pour ça que ça s'est infecté. Elle l'avait accroché à une chaîne en argent et elle le gardait sous ses vêtements pour pas choquer les gens. Et donc du coup elle s'est fait opérer et elle a jeté son pendentif. Attends, est-ce que tu peux répéter la truc? J'aimerais bien que tu le dises une deuxième fois s'il te plaît. Donc c'est une femme qui allait voir son médecin parce qu'elle avait une infection au niveau de la poitrine. Ouais. Parce qu'en fait depuis 13 ans elle gardait son fœtus en pendentif. C'était un fœtus d'une fausse couche qu'elle avait faite il y a 13 ans avant. Et donc du coup c'était infecté à cause de ça. Et elle a jeté son pendentif et elle s'est fait opérer pour l'infection. Fœtus. Il est malade. Il y a personne que ça choque, quoi. Je sais pas. La meuf, elle a un petit bébé accroché en pendentif, ça choque personne. Normal. C'est lol. Amina du Standard, elle s'est mis ses tétons en boucle d'oreille. Tous les matins. Elle s'est fait greffer des boucles d'oreilles. Ah ouais. Alexis, tu penses que c'est vrai le fœtus? C'est un petit bébé. Hein. Oui, je sais. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé en octobre 2013. Le 11. Ok. Il y a déjà eu l'explosion. Il y a vrai ou faux? Bah, je dirais quand même vrai, mais j'ai un doute. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est le but. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, peut-être que c'est possible. Faux, Gaby? Attends, sors le fœtus de la boîte à gauche, je vais voir. C'est bon. Non, moi je dis que c'est faux. Toi, tu dirais que c'est faux, double faux, Amina du Standard? Non, faux, j'y crois pas. Toi, tu c'est crois pas fume. J'ai le Standard. Pour moi, c'est faux, mais. Mais c'est pas possible, faux. Personne fait ça. Ouais, imagine. Julien, comment tu sors le fœtus? Comment tu sors le fœtus? Non, mais une fausse couche. Pour moi, c'est faux. Non, une fausse couche. Oui, mais comment tu l'as dans tes mains? Après, attention, je pense qu'il y a 2-3 zozos sur Terre qui sont chelous. Hein. Ouais. Déjà, parfois dans la rue, moi j'en croise à Paris des mecs chelous, mais alors dans le monde entier, en Inde, dans certaines provinces, machin, tu sais, il y a des gens, ils doivent être un peu barrés. Surtout dans le Holstein. Non, on a les hôpitaux, mais dans certains pays, ils n'ont pas d'hôpitaux psychiatriques. Ils sont dehors. Bien sûr, t'as des pays, tu vois, en Asie, etc., dans certains pays asiatiques, le Cambodge et tout, tu peux trouver des foufous. Les mecs sur Terre, mon gars, ils sont bien capables de bouffer leurs propres mains dans la rue. Tu vois, t'as des mecs qui sont barjots. Il y en a eu. Mais vraiment, mais c'est sûr. Mais je dirais que c'est faux quand même, Flo des cadeaux. Et la réponse est... Non, c'est faux. Mais t'es nul aujourd'hui, putain. Ah non. Là, il y a tout le monde qui a trouvé la bonne réponse. Regarde, les scores sont serrés. Bon, 6 à 4. Hein, alors, on va en faire une dernière parce que moi j'ai envie de finir sur un beau truc. Vas-y, une dernière. T'en as une ou pas? Ouais, j'en ai. Si t'en as pas, tu me dis. Si, j'en ai une. Y a pas de problème. Hein. Bon, vas-y, on t'écoute alors. Là, ça s'est passé au Japon, à Niigata. C'est un homme qui était sous l'emprise de drogue qui a tué son colocataire de 14 coups de couteau et ensuite il lui a découpé le sexe et il se l'est cousu sur le front. Il est sorti dans la rue en hurlant sur les passants et c'est eux qui ont appelé les secours. Il a été arrêté et placé en hôpital psychiatrique. Et c'est cousu le sexe. Bah attends, tu sais que t'as des barjots vraiment. Non, mais le mec, c'est une licorne. Mais attends, tu sais pas si le mec il a pas pris une drogue. Ah, la drogue. Gabi, c'est un all-star, il a dit. Gabi. Il était sous emprise de la Gabi. Question technique, il fait quelle taille le sexe? Alors ça, j'en sais rien du tout. On dit vrai ou faux, mon cœur? Allez, on va dire faux. Ouais, tu dirais faux. Alexis. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé en mai 2014. Il veut savoir pour savoir si c'est vrai ou pas, hein, à chaque fois. Ouais, ouais. Tu dirais vrai ou faux? 2014. Ouais, c'est faux. Faux. Julia qui est en stage à la maison. Ah, moi je dirais que c'est faux. Tu dirais c'est que faux. C'est tu dirais que c'est faux? Ouais, pourquoi? C'est faux. Parce que enfin je vois pas comment tu peux te couvrir. Parce que c'est mon intuition. Je t'emmerde. Je t'emmerde toi et tous les. Non, ouais, tu dirais faux? Ouais. J'ai déjà essayé de me coudre un pénis. Moi j'ai essayé sur le front. De me coudre un pénis. Je le cul, mais ça marche pas. J'aime ça. Faux. Amina du standard. Non, faux aussi, c'est pas possible. Putain, mais si jamais c'est vrai, je. Ah là là, en plus il va être fier. Mais non, tu peux pas. Si tu mets un zizi sur ton front, ça tombe dans l'œil en plus. Oui, voilà. Allez, moi je dirais faux aussi, Flo des cadeaux. Et la réponse est. Non, c'est faux. Ah, il a baisé personne. Hein. Tu sais pourquoi j'ai dit faux? Non. Tu peux te le dire. Dis-moi. Mais après, je le dis après celui-là parce que j'étais quand même pas sûr. Mais je me suis dit, bon, il y a tellement des abrutis que ça aurait été possible. 7 à 5. Et pourquoi j'ai dit faux? Parce que je me suis dit qu'un mec qui était vraiment sous l'emprise de la drogue, il est incapable de 1 de coudre quelque chose. Pour coudre, faut quand même être assez précis. Ouais, tu peux le faire sale. Hein. Ouais, à l'arrache, ouais. Tu peux faire sale, mais il faut quand même savoir, sous l'emprise de la drogue, si vraiment le mec est complètement à l'ouest et tout, aller se coudre un truc sur le front. Excuse-moi, non mais regarde ton front et regarde l'épaisseur de peau que t'attrapes. Tu peux pas attraper de la peau. Ouais. Donc c'est vraiment l'image était drôle. Et l'image était drôle, mais je veux dire, tu sentais que le mec, c'était pas possible, tu vois. Je veux dire. Et puis, je me suis dit aussi, c'est la dernière qui nous sort. Si elle avait été vraie, nous l'aurait sortie avant. Ouais, je pense. Là, je les garde pour la fin. Dans les histoires extraordinaires. Bon, et en tout cas, mon Gabi, bravo à toi. 7 points du coup. Bravo. Bravo Anaïs aussi. À 5 et à Alexis, hein, voilà, qui était contre toi. Putain, mais juste qu'on a les remerciements, il pense à sa grosse. Ah ouais. Ça va se marier, ça va se marier vite fait, bien fait. Ça. Il va aller faire une petite dédicace et tout ça. Il va dire qu'il aime très fort. Voilà, les projets, pas les projets. Qui lui fait des petits bisous d'amour, voilà. De le maman. Des poutous. Il appelle bisous partout. Alors qu'elle est à côté. Bisous succu. Voilà. Allez, Alexis, fais une dédicace pour commencer, mon ami. Dédicace à toute la France et toute la Lorraine. Voilà. Eh ben y a pas de problème. Eh ben c'est sympa mon pote. T'as eu le temps de prévenir du monde que tu passais Alexis ou pas? Ouais. C'est vrai. Ah bah c'est. Honte maintenant. Ah non. Attends. Et c'est du hasard. Attends. T'as mis des points en plus. Hein. Je vais te dire un truc. Ah bah non je peux pas dire. Non je peux pas dire. Mais moi tu sais quand je fais des jeux parfois je suis invité sur des jeux. Ils sont pas encore diffusés. ça peut m'arriver d'être dernier. Quoi. Ça peut m'arriver de pas forcément gagner. Ça peut m'arriver d'être milieu. Ça peut m'arriver d'être premier. Non mais je veux dire c'est ça fait partie du jeu. Voilà c'est le sport. Hein, tu vois. Bah oui. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Moi Coubertin, j'encule. Moi participer ça m'intéresse pas. Mais ah non mais toi t'es sport mon gars. Je plaisante. Ah mais c'est bien. Écoute, tu me distrais, t'es marrant. Ça fait plaisir, marrant. Et bah écoute, mon gars, tu veux faire une dédicace? Ouais, bah déjà une grosse dédicace à Poupoule, ma belle-sœur, et à Kevin, mon beau-frère, et à Choupi, et à grosse dédicace à toutes les forces de l'ordre en ce moment, et au service de secours aussi, et allez les bleus. Eh ben, y a pas de problème. Oui. Le service de secours, gros bisous. Et allez, les bleus, gros bisous aussi. Mmh. Pas de problème. On suit jeudi. Le truc, hein, jeudi soir. France Allemagne. On sera en direct, avec plaisir. Et je fais un gros bisou à ma chérie. Aussi. Ah, ouais. Ah un bisou aussi. Mais bien sûr, comment il s'appelle? Anaïs, c'est ça? Anaïs, ouais. Ok, très bien. Allez, vas-y. Faut juste qu'il réponde. Enfin, vas-y, on y va vite. Et puis ensuite, on va se faire le cucu de 5 minutes. Allô, Anaïs? Oui. Bonsoir, Anaïs. Alors, parle près du micro. Enlève le haut-parleur, Anaïs. Ouais, je suis pas en haut-parleur, je suis près du micro. Ah bon, on t'entend loin. T'as une toute petite bouche. Oui, c'est ça. Je ferai aucune blague. Hein, évidemment. Ça suffit, c'est bon. Tu voulais faire une dédicace, Anaïs aussi. Vas-y, en speed. Ouais, je voulais faire une dédicace à ma soeur chérie. Et puis, je voulais dire à tout le monde que j'aime les licornes. Y'a pas de problème. Allez, gros bisous, les copains. Je vous embrasse très fort. Bisous. Gros bisous, je vous embrasse. Flo des cadeaux au standard, ouais. Du coup, ce soir. On a interverti l'équipe, on a changé, on est passé en mode même l'été. JM du standard. Ouais, je suis toujours. Amina du standard. Oui, coucou. Flo des cadeaux. Ouais. Et Julia qui est en stage chez nous ce soir aussi. Yes. Je vous baisse tous. On prend tous les messages. Si vous voulez parler de cul, on va en parler dans deux minutes. Tu veux parler de cul d'ailleurs, Julia qui est en stage chez nous? Complètement.

Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. On va dans un instant parler des jeux d'argent. Tiens, si vous avez déjà joué, misé, gagné gros ou perdu gros, appelez-nous pour qu'on en parle. Il y a Evan que je vais récupérer dans un instant. 01 40 71 5000. Vous envoyez Mickaël et votre message au 612 ou venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Instagram. On va se mettre la pub en speed. C'est Mickaël officiel, hein, Facebook, Twitter et Instagram. On va se mettre la pub en speed. On revient juste après en direct et avec tout le monde, bien entendu. Message qui dit mon voisin jouait deux fois de suite. Il a gagné les deux fois, c'est Timothée. Ah, mais il a joué à quoi? Dis-nous aussi, tiens, appelle-nous 01 40 71 5000. Oubliez New York, Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Ah non, des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De minuit à 3h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L officiel.